Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandrine Pichessier nous conseillera son meilleur bar karaoké dans la crème de la crème. Cindy Gilbert nous remettra en forme avec sa chronique Activez votre santé. Et François André nous jasera de politique dans la démocratie 101. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mercredi 26 février 2014. Je m'appelle Mathieu Parentin. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières. Bonjour Stéphanie. Salut. Yeah, ça va? Oui, toi? Oui, on passe seulement une journée ensemble cette semaine en direct, donc on va devoir en profiter énormément. Donc on parle de tout ce dont on peut parler en même temps. C'est ça. Ben en fait, on n'aura absolument rien à sacrer l'émission aujourd'hui parce qu'on a comme trois chroniqueurs. Et on va juste les laisser parler. Puis après on va ça, avoir fin, du plaisir avec eux. Ça va être tellement le fun. Hey, je voulais te demander. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai aucun lien. Tu trouves pas que ce matin, les voitures, on aurait dit qu'il y avait une petite couche de sucre en poudre dessus? C'est... Oui, comme un beigne. J'ai failli manger mon auto. C'est ça, mais j'ai regardé, il n'y avait pas de jus à l'intérieur. Donc, de jus de beigne. De gelée de beigne. OK, c'est comme du jus. La confiture, là, tu dis. Hein? La... Toi, t'as comme aucun synonyme dans ton vocabulaire ou aucune nuance. Quand c'est liquide, c'est du jus. C'est du jus, puis. C'est quoi la version solide? Tu veux pas savoir. J'ai pas dit qu'on faisait pas de blague de mauvais goût ce matin. C'est pas de mauvais goût, mais on dirait que tu peux l'interpréter comme étant de mauvais non, goût. Non, c'était de mauvais goût, d'accord. Mathieu. D'accord. Alexandrine Pichessier, bonjour. Bon, non, c'était pas. Je pensais que c'était l'autre. J'étais pas. Allô? Bon, je recommence. Ah, bonjour. Ça va bien? Troisième matin de suite que je fais ça, fait que. Moi. Ouais. En tout cas. On est en fin de session, tout est pardonnable. Mi-session, ben oui. pardon. Ben oui, pardon. C'est sûr, hein? Ça nous touche tellement la mi-session. Moi, nous autres, ça change comme rien. Oh mon Dieu. C'est juste ma maladresse et mon pas suivre les affaires. Il n'y a même pas d'excuses. Bref, bon matin à toi. Bon bonjour. Matin. Tu vas nous parler de ta chronique La crème de la crème, de paquet de choses à faire à Trois-Rivières. Évidemment, mm-hmm. c'est l'idée de ta chronique. Tu trouves ce qu'il y a de meilleur dans chaque catégorie. C'est comme une remise de prix, c'est comme un gala. Oui, oui, exactement. Ça prendrait un autre trophée. Ben, c'est ce que je me suis dit. Bon, on va essayer de le trouver. Ça pourrait être un petit berlingot de crème. Oh, ça serait cute ou un cupcake. Le cupcake d'or. Ah oui, c'est parfait, ça. C'est pas pire, ça? Oui. OK, cool. Donc, on va faire la crème de la crème dans quelques instants. Plus tard, à 8h, Cindy Gilbert et sa chronique Activez votre santé. Aujourd'hui, son thème, c'est quoi manger avant, pendant et après un entraînement. Oh, c'est intéressant, ça. Et surtout pas un cupcake, j'imagine. J'imagine, non. C'est tout à la contrepartie, la balance, l'équilibre. Malgré que pendant, ça doit être drôle. Les cupcakes. Ah, ben, Colin, si je pouvais justement faire des genres de push-up, mais avec un cupcake à chaque fois, tu me changes de cupcake. Je peux me boucher à chaque fois que je fais push-up. Ben, on a enfin trouvé comment motiver Mathieu. Ouais. Ben, d'après moi, t'en mangeras pas, ben, va être cupcake. Pas. À chaque push-up, tu es capable d'en faire un? Si c'est pour un cupcake, sûrement. Moi, je pense que tu vas juste tomber, foirer la face dedans. Bon, quand même, j'aime voir que tu as vraiment confiance en mes talents. Ben oui. À 8h30, on aura François Landry, chronique exceptionnellement présentée le mercredi, parce qu'on n'a pas d'émission demain. On nous en reparlera d'ici la fin de l'émission, mais il va être là avec nous à 8h30. Et finalement, à 9h, c'est toi, Stéphanie Paradis, qui va nous survoler ça dans Zone Campus. Toi, tu vas nous insérer une de tes 28 pages. Ok, oui. Mais seulement une. On va choisir attention la bonne page. Au paper cut. Paper cut! Ouais. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. C'est pas mal bon, ça. C'est rempli. Donc, on va commencer dans 3 minutes environ avec la crème de la crème. Pour l'instant, on écoute Midi Cayenne Club sur leur album Nanabouvou! Nanabouvou! C'est la pièce Chacun son arc-en-ciel pour toi, Alexandrine. Oh, merci! C'est mieux que Bonjour Tristesse. 2 semaines de suite à la même heure, tu sais. Ouais. Son arc-en-ciel. Nanabouvou! Chacun sa folie de miel, sa couleur imaginaire. Chacun son mirage miraculaire. Faut se le dire pour le savoir quand il fait froid, que la nuit est noire, quand il se met à pleuvoir. Comme vache qui pisse, chacun sa lune, chacun sa gloire, chacun son complice. Quand tout est triste, chacun son esquisse, chacun son esquive, chacun sa trêve. Ha, ha, ha, ha. Sacré, quand l'impossible dort encore, quand dehors le jour se lève. Dit Cayenne Club et la pièce Chacun son arc-en-ciel, ça vient vraiment détonner un peu avec leur précédente pièce des Palmarès qui était pas mal plus bougeante. On parle entre autres du nœud et de l'art pour l'art. Mais bon, ce changement, on aime ça, leur album, encore une fois, s'appelle Nana Boubou. Maintenant, on passe à Alexandrine Pichet-Cyr qui va remettre ses petits cupcakes d'or. Voici la crème de la crème. Ah, Alexandrine, bonjour! Bonjour! Yeah, c'est le fun, hein? Oui! T'es rendu avec une intro qui fit puis qui loupe tout seul. Yeah. Donc, la crème de la crème, on parle évidemment des meilleures choses disponibles à Trois-Rivières dans toutes les catégories confondues. Oui, exactement. Puis là, cette semaine, j'ai pris trois catégories complètement différentes, dont une qui est mon domaine d'expertise, et je vous laisse deviner laquelle. On parle des meilleures friperies, des meilleurs bars karaoké et de la meilleure place pour étudier. Puis je me suis dit qu'en mi-session, des fois, on sait plus où se mettre parce qu'on n'avance pas puis on procrastine. Les étudiants cherchent tout le temps où se mettre. Hein? Oui. Moi, je dis partout. Partout. Partout est un bon endroit. Sûrement au bar karaoké, t'en as pas une couple. Ça dépend lequel tu vas. Alors, on va commencer par les meilleurs friperies. Ah, cool. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'il y a le traditionnel village des valeurs, parce qu'étant étudiant, ben, c'est le fun de savoir où trouver du beau linge pas cher. Ben oui. C'est vrai. Mais au village des valeurs, moi, je suis pas trop. Je sais pas, toi, Steph? Ben, c'est le seul où je suis allée, en fait. C'est la seule friperie, si on veut, dans laquelle je suis allée me mettre le nez. Me mettre le nez. Oui, puis ça sent. Vous trouvez pas que ça a une odeur, le village des valeurs? Ça sent le village des valeurs. Ça sent ouais, le village. C'est typiquement village des valeurs. Moi, je suis jamais allée pour m'acheter du linge personnel. J'y vais toujours pour acheter comme des accessoires de costume ou, par exemple, une paire de souliers parce que je veux pas trop dépenser. Ben, en fait, moi, j'ai pas de patience pour chercher pour les hauts. Parce que moi, quand t'as des... Parce que le haut, on s'entend, ça change tout le temps de grandeur. Ouais. Fait que moi, je suis pas du genre à faire comme 4000 racks pour essayer toutes les grandeurs. Puis là, tu vois quelque chose de super beau puis ça te fait pas. C'est frustrant. T'as raison. Mais... pour des pantalons, je peux vous dire que les jeans que je porte présentement sont une gracieuseté du village des valeurs. On les remercie. Merci. Comment dire? Non, mais je trouve ça le fun, une paire de jeans, 4 piastres. Le bord de pantalon est déjà fait. Fait que ben moi, je suis choyée. C'est vrai que c'est un bon investissement, mais il faut le trouver, par exemple. Mais moi, ce que j'aime du village des valeurs, c'est les livres. Ah ben oui, c'est vraiment, vraiment surprenant. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a comme 40 000 romans de Daniel Steele, mais si on va dans le rayon littérature, moi je me suis acheté 2 pièces de théâtre à comme 2 piastres. Puis c'est vraiment le fun, puis il y a plein de petites trouvailles, mais je me suis déjà acheté un maillot de bain pour un costume de théâtre, puis je l'ai jamais mis. J'ai jamais osé. C'est un sous-vêtement en tant que tel. Ben c'est même. Ça, ouais, c'est ça. Puis je l'ai lavé 2 fois à l'eau de Javel. Ouais. J'ai jamais osé. Puis il sentait comme l'arrière cigarette. Même après le lavage. Même après 2 lavages à l'eau de Javel. Je l'ai mis, mais j'ai comme mis comme deux paires de bobettes en dessous. C'est ça, comme un super-héros, par-dessus le pantalon. On sentait que c'était intime, un maillot de bain. Là. Pas mal. S'ils vendent pas de sous-vêtements, genre usagés, je vois pas pourquoi tu vendrais des maillots de bain, c'est la même chose. Puis même au Village des Valeurs, il y a des robes de mariée. Ah. Ben oui, ouais. Ma belle-sœur a déjà acheté une robe de mariée, mais pour l'Halloween. Ben c'est ça, c'est leur grande période de l'année, j'imagine. Oui, elle a quand même payé cher, là, mais... Il y a des costumes neufs à l'Halloween aussi. Ah, ça, je sais pas. Ouais. Parce que le Village des Valeurs, on peut en discuter longtemps. Un que j'adore beaucoup, c'est pas vraiment une friperie, mais on peut y trouver vraiment des bons vêtements à bas prix, c'est chez Winners. Ben oui, moi, c'est ce que j'allais dire, c'est la coche au-dessus du Village des Valeurs. Pour moi, moi, Winners, c'est mon préféré. Moi aussi, c'est mon préféré. Puis, juste pour vous dire, je suis allée la semaine dernière, puis on dirait qu'il y a du stock d'après... Après Noël, je me suis trouvé une robe, elle est vraiment magnifique, à 8$. Wow! Elle est vraiment belle, puis on a acheté une veste d'enfant pour le neveu de mon copain à 2$. Non, c'est cool. On dirait que je regarde pas dans le même Winners que tout le monde, je trouve jamais rien. Je sais pas si c'est parce que j'ai zéro patience, comme je disais tantôt, là, mais ça me prendrait une coach de Winners. Mais chez Winners, c'est soit, moi en tout cas personnellement, c'est soit que je trouve plein de choses ou que je trouve rien du tout. Puis, ils ont des vraiment très belles sacoches, mesdames. C'est un conseil. Et de la bouffe aussi, parce que t'achètes du café à l'érable pour aller avec tes vêtements. Puis, c'est vrai. Puis, pour la maison aussi, il y a vraiment des belles choses. Mais chez Winner, ça peut être cher. Il faut vraiment chercher les rabais. Ouais. Puis, Stéphanie, tu nous parlais d'une friperie en face du... Panetier. C'est ça. Moi, je la connais pas, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ben non, moi, je suis jamais allée, en fait. C'est une amie qui habitait à côté. Puis, elle y allait quand même régulièrement. Mais ça a donné qu'à chaque fois, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien beau ce que tu portes! » Ça venait tout le temps de là, de la friperie. Je me dis « Colin, pourquoi je suis jamais encore allée? » Je me le demande présentement, pourquoi je suis jamais encore allée? On se demande tous. Je connais pas le nom, mais dans le fond, je sais pas si vous connaissez un peu la rue, c'est sur Saint-Prosper. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Là. Ça fait longtemps que je veux y aller. Mais comme je dis, ça me prend une couche de fouillage de rack. On ira ensemble, Stéphanie. OK. Puis, y en a une autre aussi que je suis allée une fois. Je connais pas le nom, mais c'est sur la rue des Forges au centre-ville. Mm-hmm. Puis, c'est un deuxième étage. Tu montes une espèce d'escalier pas possible, méga étroit. Puis, il y a vraiment des belles choses aussi. C'est vraiment intéressant. Cool. Si je me fie à Internet, la friperie sur Saint-Prosper s'appellerait la friperie chez Louise Paul. Ah, oh, c'est cute. Me dit-on. Ah, salut, Louise. Je suis mitigée. Pas sûr. Ouais, c'est ce que ça dit. Mais peu importe toutes les friperies, ma friperie, c'est chez Winners. Ah, le gagnant du... Le gagnant du cupcake d'or, c'est Winners. Voilà. Mais pour tout, parce qu'aller chez Winners, c'est vivre une expérience. On gagne à y aller souvent. Ah, wow! Alors, voilà pour la friperie. Bravo! On continue avec les bars karaoké. Ça, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Ben oui, on connaît ça, nous autres. Vous connaissez pas ça? Vous êtes pas trop karaoké? Mais zéro. Alors moi, j'aime tellement ça. Mais il y en a trois que j'ai retenus. Un que vous connaissez sûrement, même si elle n'est pas souvent, c'est la chasse-galerie le mardi soir. Ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Mais ça, c'est le fun parce que, tu sais, il y a plein de monde qu'on connaît. Puis là, tu fais, mon Dieu. Justement, non? Ben, ouais. Tu sais, je voudrais pas chanter devant quelqu'un que je connais. Mais non, mais ça donne quoi d'aller dans un bar karaoké tout seul pour chanter tout seul devant plein de monde que tu connais pas? Il n'y a pas de fun. Non, mais que tu connais, si tu amènes un groupe d'amis, ça va. Mais que les gens dans la foule qui sont pas avec ton groupe d'amis te connaissent ou sont dans tes cours, moi, ça me gênerait au bout. Mais c'est même une petite pression. Mais après, une coupe de bière, là, ça se paraît plus. Ou une tasse. Mais ou une shopping. Le seul petit désavantage que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Puis, tu sais, on a de la misère à passer. Parce que la chasse-galerie, c'est un beau bar, on aime ça, mais c'est trop petit pour le fun qu'on peut avoir, je trouve. En tout cas, pour cet événement-là. Sinon, il y a aussi le BDN qui est à côté, dans le fond, près du Café Cognac. Si on l'appelle ça, nous autres... Le BDN. Le BDN. Le BDN. Ou le BDN Breakfast, mais ils ne servent pas de déjeuner. Ah oui, c'est que vrai. Que je sache. Mais le BDN... Pour y être allé une couple de fois, parce qu'avec une gang d'amis, on va souvent dans des bars karaoké puis on se trouve bien drôle. Mais au BDN, on est toujours frustrés puis on se dit toujours « On y retournera plus jamais! » Puis on finit toujours par y retourner pareil. Parce que je pense que le monsieur qui fait la... Parce que être animateur de karaoké, c'est un art. Okay. C'est difficile. Puis il met jamais nos tunes. Comme il y avait une fille, là, elle s'appelait, je me rappelle plus son nom, puis il mettait toujours ses tunes à elle, puis nous, ça faisait comme 2 heures qu'on était là, puis on n'avait pas passé. Mais c'est puis quoi, elle c'est avait passé 6 fois. Un vieux chromo qui accrouse, ou c'est quoi? C'est juste. En fait, je sais pas, parce que les fois que je suis allée, il n'y avait comme aucune énergie, j'allais le voir, tu sais, avec ma face de fille gentille. Ben oui. Salut, parce que ça fait comme 1h30 que j'attends après ma chanson. Puis tu clignes les yeux. Ouais, il fait, oh, c'est bon, Mohamed. Fait que, ben, c'est à toi, Alexandrine, elle va nous chanter, puis c'est ça. Oh. Tu sais, parce que moi, j'arrive, je viens pour montrer mon talent. Ben oui. En tout cas, plus ou moins. Mais notre bar, c'est au pied du coteau qui est en bas de la côte à Deux-Fesses. Oui, ben oui. C'est à côté du IGA, ce genre? Oui, en face, oui. Puis comme en diagonale du Stratos. Oui, exactement. C'est vraiment là. Nous, on a eu du fun quand on est allé. Personne ne se prend au sérieux. La petite madame karaoké est fine. On y a même écrit un mot pour la remercier. Puis elle était super touchée. Puis écoute, on chantait, ça finissait plus. Puis les gens là-bas, tu sais, c'est moins jeune qu'au BDN ou à la chasse-galerie. Il y a plus de gens d'un certain âge. Mais on a vraiment du plaisir. Puis c'est super le fun. Puis en plus, ben après avoir fini ton bar karaoké, ben tu peux aller manger une poutine chez Stratos. Ah! Ben oui, c'est tellement bien. Tout le temps ouvert. C'est bien situé. Alors, ils ont effectivement mon cupcake d'or au pied du coteau en bas de la côte à Deux-Fesses. Bravo! Je leur offre mon muffin. Il n'y a pas de glaçage. Il y a la bombe, en tout cas, Stéphanie. Il est au pina colada, mais pas d'alcool. Mais j'aimerais ça là, qu'on spécifie quelque chose. Un cupcake et un muffin, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pas juste une question de grandeur ou... Non, c'est une question de crémage et de contenu. On va se dire ça, là, après ça, personne ne va pouvoir me dire « Ah, t'as un beau muffin! » Un cupcake, c'est un petit gâteau avec du crémage. Un petit gâteau fait de farine, de sucre. Un muffin, c'est fait avec de l'avoine et des choses consistantes qu'on mange le matin. Merci beaucoup. C'est bien. As-tu une raison pour laquelle on ne dit pas petit gâteau au lieu de cupcake? Je comprends pas. Là. Parce que c'est beau, cupcake. Ouais. Ouais. Ça se dit mieux. Mais petit gâteau, c'est mignon aussi. Ouais, mais petit gâteau, ça pourrait être n'importe quelle forme. Alors qu'un cupcake, c'est vraiment la forme d'un cup. Oui. D'un cup à soupe? Okay. Non. Merci Stéphanie, maintenant j'ai du moule à muffin. Retenez les explications d'Alexandrine pour l'instant, celle de Steph. Hey! Mais non, mais c'est vrai que la forme est importante. Okay. Un cupcake carré, c'est pas un cupcake. Ça n'existe pas de toute manière. Il y a des cake pop aussi maintenant, comme une boule de gâteau mise après un suçon. Mais ça. C'est tellement bon. L'autre fois, j'en ai fait vanille, enroulée dans le chocolat avec des petites pépites de score. Et que t'es fancy! Wow! Je suis une vraie précieuse. J'adore ça. Alors, voilà, est-ce qu'on continue? Est-ce que tu veux prendre une pause? Bon, pour aller en musique, okay, pour se détendre. Génial, on va entendre un petit peu de Sebastian Granger qui nous dit « Some people are ghosts too soon. » Histoire de fantômes. Assemblage requis, c'est la crème de la crème. Sunshine, turning into life through the darkness. I sit so Some People Are Ghosts Too Soon par Sebastian Grainger sur l'album Yours to Discover. C'est une nouvelle entrée en 19e place du palmarès anglophone. On est avec Alexandrine Pichessir. C'est toujours la crème de la crème. On retourne dans une ambiance fabuleuse. Tellement. Pour ceux qui n'ont pas remarqué les cernes sur leur partenaire de travail de l'UQTR, et oui, nous sommes en mi-session. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça frappe fort. Puis, je me demande tout le temps, tu sais, des fois, je suis chez moi, puis je me dis, il faut que j'étudie. Puis, mon Dieu, que ça me tente pas. Fait que je trouve 40 millions d'autres choses à faire. Du lavage. Du lavage, du ménage que je fais jamais d'habitude. Des bons repas. Je veux savoir rapidement vos trucs anti-procrastination. Qu'est-ce que ça serait? En fait, moi, le truc, je m'en allais au Café Morgane et je ne payais pas le Wi-Fi. Comme ça, j'allais pas sur Facebook. Ben oui, c'est bon, ça. J'étais vraiment bon pauvre truc. Que j'avais pas le 3$ à payer pour avoir du Wi-Fi. Fait que là, j'étais certaine de travailler et c'est vraiment mes moments les plus productifs. C'est cool. Excellent truc, Mathieu. De mon côté, je dirais qu'il faut assumer sa procrastination. Je suis un grand procrastinateur dans ma vie personnelle. Tout ce qui peut être remis à plus tard, je le remets à plus tard. Sinon, une de mes seules façons d'avancer, c'est par exemple, hier, j'ai fait un tableau de mon jeu vidéo que je suis en train de jouer. Candy Crush? Non, hey, jeu de bébé. Donkey Kong. Hey! Puis après ça, là, je clenche. Puis là, je clenche pendant toute la reste de la soirée. Bon, moi, j'aurais eu mon petit nanan au début, puis peut-être un dernier à la fin. C'est comme ça, j'avance avec un petit... Avec un nanan. C'est un nanan boubou. De là, de faire des push-ups avec un cupcake à voilà. Tu sais, ça s'annule parce que, tu sais, on s'entend que je vais pas me mettre en forme si je mange des cupcakes en même temps. Bon, au moins, je vais avoir aimé ça. Ben, c'est bien. C'est moi, mon truc anti-procrastination, il faut que je me mette dans un mood. Je dois me trouver intelligente. Alors, je me déguise en hipster. Je me mets des lunettes, un foulard, un petit peu habillé grunge. Puis là, je vais dans un café ou un endroit propice aux études, et c'est ça qu'on va parler, les endroits propices aux études. Ah, bonne idée. Moi, ma place, c'était le torréfacteur, parce que, un, on payait pas le Wi-Fi, puis c'était le fun, il y avait vraiment comme des gros sofas, mais je sais pas s'il les a encore, je pense que non. Je sais pas, ça a changé. C'est moins enclin aux études. Il y a les traditionnels, on peut-tu dire café Morgaud, vu qu'il y en a plusieurs? J'adore ça. Alors, les cafés Morgaud de Trois-Rivières, surtout celui sur le boulevard des... Ouais, boulevard des Forges, à côté du Clément Morin. Ouais. OK, oui, oui. Puis pas dans Clément Morin, à côté. Donc, en tout cas, vous comprenez oui, ce que oui, je veux dire? Oui, oui, le grand côté du McDonald's. Oui, c'est ça. Il est le fun parce que dans le fond, il y a vraiment des gros, gros divans. Puis il y a un piano, fait que des fois, quand tu n'es plus dans tes études, tu peux aller pianoter un petit peu. Dans le temps, déranger c'était... les autres qui étudient. Ouais. Dans le temps, il y avait Ingrid Saint-Pierre qui jouait là pendant que tu étudiais. Mais là, ça n'arrive plus. C'est dommage. Ouais. Sinon, des fois, la GE organise des soirées d'études dans les mi- et fin session. C'est toujours le fun aussi. Puis le café, il n'est pas cher. Ben oui. Puis en plus, tu vois plein de gens qui sont dans la même situation que toi, qui auraient donc dû commencer avant puis qui ne l'ont pas fait. Toujours agréable. Puis toi, tu disais le troisième ringuet. Mais en fait, c'était surtout pour les travaux d'études, les travaux de groupe, pardon. OK. Troisième ringuet, sans que c'était tout le temps là où on se réunissait. Puis ça m'émeut d'y penser. Ah. Puis il y a des espèces de... À la bibliothèque, il y a des petits trucs comme séparés. Mais non, moi, c'est pas si hipster pour moi. Je trouve que ça fait trop juste assis sur une chaise de bois. Non, j'aime pas ça. Ça prend un divan. Ouais. Par exemple, j'ai eu beaucoup de cours au Michel Sarrazin. Il y a le petit café avec des divans. Oui. C'est vraiment les endroits où j'ai le mieux appris par cœur de ma vie. Mais c'était avec une amie, puis on se donnait des trucs niaiseux. Puis c'est comme ça, évaché dans les divans, qu'on a réussi à étudier comme ça. Les trucs niaiseux, là, c'est tellement la meilleure manière d'apprendre. Là. Mais vraiment, après ça, t'es à ton examen, tu vois la question... Puis tu te ris. Je sais c'est quoi! Ça, ou apprendre une chanson avec tous les verbes que t'as à apprendre. En tout cas, moi, c'est vraiment définitivement les cafés Morgaud qui sont mon endroit d'études préférées. Surtout avec des lunettes, un latte... Au Letsuya. Avec des lunettes. Non, il faut les lunettes carrées noires pour étudier, sinon ça marche pas. Un foulard, un mauve, ça fait-tu? Oui. C'est borderline. Hey! On te le laisse pour ce coup-là. Alors voilà, le cupcake d'or est attribué. Et c'est tout. Yeah! Et merci de me recevoir encore. J'apprécie vraiment mes mercredis matins. Ah, on aime te recevoir aux deux semaines, les mercredis à 7h30 environ. Alexandrine Pichessir et la crème de la crème, merci énormément. T'as tellement classe. Oh, mais ça me fait plaisir. C'est le bon goût. Ça prend, Mathieu. Je te donnerai des... Un jour, peut-être. On t'écoute aussi aux Précieuses Ridicules, les lundis à 13h. En rappel, les samedis, je crois que c'est à 16h. Oui, tout de suite après toi, en fait. C'est ça. Donc, quand ça donne, parce que les reprises sont décalées le samedi. Mais bon, donc à 16h quelques. Voilà. Oui, c'est ça. Merci, Alexandrine. De rien. Tu restes avec nous un petit peu? Bien sûr, quelques minutes. Après la pause, Cindy Gilbert, activez votre santé. Yay! On va s'entraîner. Je sais pas si je vais réussir à la convaincre que des cupcakes, c'est une bonne chose entre mes push-ups. On verra au retour. On verra. Vous êtes dans la zone 89.1. Des fous dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 26 février 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On est toujours accompagné d'Alexandrine Pichessire. Coucou! Coucou! Même son coucou est classe. Hein? Je me voyais enlever ça. on reçoit maintenant, comme on le fait aux deux semaines, le mercredi matin, à Cindy Gilbert. Allez, oh, moi, je suis pas capable de faire un coucou classe de même. Ah, coucou! Chacun ses talents. Coucou! Coucou! Allô, mon coco! Coucou, je m'appelle Linda. maintenant, voici Activez votre santé. C'est dit, Gilbert, et activez votre santé. Oui, nouvelle intro. On aime ça, on se met en forme dès le départ. Là, on est dedans, là. Hoppa! Hoppa! Oui, pas, mais je sais pas vous autres, moi, le party pogne dans ma tête quand j'entends cette tune-là. Ça se peut. Ça se peut. Ça peut être donc que ça les stresse, mais c'est comme vous voulez. Donc, activez votre santé où on parle de choses qui, évidemment, sont reliées à la santé. Aujourd'hui, on parle d'entraînement. Yes! Une question qui revient comme tellement souvent que je suis contente de vous parler ce matin. Je rentre direct dans le vif du sujet. J'ai même pas de sujet à amener de 8 pieds de long ce matin. Whoppa! Direct! Quoi manger avant, pendant et après un entraînement? C'est bon à savoir, parce qu'on se le demande souvent. Oui, on se pose des questions souvent. Puis là, juste vous dire là, que tout ce que je vais vous parler ce matin, là, j'ai tiré ça de mon cours de nutrition qui est tellement intéressant déjà en partant, mais aussi d'un livre que mon professeur nous a suggéré qui s'appelle, j'en avais parlé un petit peu, Stéphanie, là, oui. Nutrition, sport et performance. Puis là, je te laisse t'amuser avec. Oh yeah, je t'écoute plus. Je donne mon livre au début de la chronique, c'est pas bon. Fait que finalement, Mathieu, toi et moi, on va terminer la chronique ensemble. OK, on s'en garde. Tant que Stéphanie a les livres. Il y a des photos en plus. C'est absolument extraordinaire parce que tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est comme un résumé un peu concret de ce qu'on retrouve dedans. Mais il y a des recettes, il y a toutes sortes de trucs qui sont là pour vous guider là, dans des choix. Moi, je vais vous parler plus général de ce qu'on peut manger avant, pendant, après. Mais il y a toutes sortes de trucs selon votre grandeur, votre poids, votre âge, votre sexe, le niveau de conditionnement physique, votre sport que vous voulez pratiquer, quoi manger avant, pendant, après. C'est vraiment bien expliqué. Ah! Fait que, il est incroyable ce livre-là. On va prendre 10 % de cote sur les ventes. Alors, de façon générale, le fait de manger avant d'aller s'entraîner, là, quand je dis avant, c'est bon, dans les minutes, dans les heures avant d'aller s'entraîner, ça a des avantages. Par exemple, le fait d'éviter la sensation d'avoir faim. C'est-tu plate de s'entraîner et d'avoir faim en même temps? Le ventre qui gargouille. Moi, c'est toujours après, là, j'ai une faim incontestable. Après aussi, c'est ça. Il y en a qui, après, la faim est complètement coupée. Ça peut être tellement différent pour chaque personne. Aussi, éviter le manque d'énergie pendant l'entraînement. Le fait de ne pas avoir faim, pas manquer d'énergie, bien, c'est sûr que tout ça, en sorte, ça va faire en sorte qu'on va améliorer notre performance durant l'entraînement. Ceci étant dit, de façon générale, il faut éviter de manger certains ingrédients, puis il y a des trucs qu'il va falloir respecter aussi, qui est de façon générale applicable pour tous les êtres humains. Éviter de manger une grande quantité de gras et de protéines avant l'entraînement. Fait que déjà en partant, tu sais, on sait les protéines, c'est important pour les muscles. Je pense que tout le monde est au courant. Ça fait d'ailleurs partie de mon sujet de ma prochaine chronique. Oh, spoiler alert! Les protéines! mais il faut éviter d'en manger juste avant l'entraînement, étant donné que c'est difficile à digérer. Fait que les lipides, les protéines, c'est plus difficile à digérer que les glucides en tant que tel. Fait que faut éviter d'en manger. Un Big Mac, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ou les cheveux de ton chum, c'est son gras. Ah, pas ça. Ouais, aussi. Ah, tu manges pas la racine. Tu peux aller plus vers la pointe. Exact. Juste vers la pointe. Alors, tu prends une pointe d'épisode, tu prends une pointe de cheveux. Ouais. C'est bon, c'est ça. C'est moins terrible. Fait qu'on parlait de gras, hein, c'est ça? C'est ça, gars. Et donc, c'est ça, il faut éviter de manger des quantités de gras de protéines avant l'entraînement. Ça, c'est de façon générale. Éviter aussi, on dit de manger des glucides, mais éviter de manger des sucres concentrés. tels que les friandises. Un cupcake. Les bonbons. Ah. Les cupcakes, ouais. Mm. Mm. Avant, c'est à éviter, mais pendant, c'est à proscrire. Hein? À proscrire, OK. Toi, tu me posais la question de faire des pochops en mangeant ton cupcake. Ouais, ouais. Mauvaise idée. C'est l'idée d'Alexandrine, moi, j'ai rien inventé. C'est pas vrai. Ouais. Tu peux l'essayer, par exemple, t'en mourras pas, là, mais c'est pas une bonne idée. Ah, ben moi, c'est genre mort. Ça te rendra pas performant. Ça t'aidera pas à en faire plus de pochops, mettons, là. Faut éviter de manger toutes les sucreries qui font augmenter rapidement votre glucose sanguin pour éviter justement de monter le sucre dans le tapis, d'avoir un gros rush de sucre avant l'entraînement, puis après ça, l'entraînement commence, puis avoir une drop de sucre justement. Oui. Parce que rendu là, quand on a une drop, on se sent plus fatigué, on perd notre énergie et ça peut avoir aussi des symptômes plates comme des étourdissements. Que, ah, c'est vrai que c'est plate, ça. Oui, c'est plate. C'est plate. Je fais rien, puis j'ai c'est plate, faire un cours de Zumba, d'être étourdi en même temps. Ben oui. C'est plate. Évitez aussi tous les aliments qui contiennent de la caféine. Ah. Puis là, quand je dis caféine, je parle pas de un café le matin avant d'aller s'entraîner. Ça, c'est bon. Même, il y a des études qui ont été montrées sur l'effet de la caféine que prendre un café avant l'entraînement, ça pourrait avoir des bienfaits. On est comme plus stimulé, plus concentré. On va chercher notre bon maximum d'énergie avec un café. Non, moi, ça me stresse. J'ai tout le temps peur. Non, je vais avoir envie de pipi pendant Oui, mais pendant là, c'est ça. Aussi, ça dépend. Il y en a qui sont complètement intolérants au café. Je suis pas prêt de vous dire de boire du café pour aller vous entraîner, mais prendre un café, il n'y a pas de problème. En tant que tel, c'est plus de prendre des produits qui ont une haute concentration en caféine, comme les Red produits... Bull. Voilà! Les produits Red Bull qui sont concentrés de plein de cochonneries, dont une caféine en concentration vraiment extrême. Du sucre aussi, j'imagine. Oui, oui. Plein de sucre, puis plein de sucre rapide, encore une fois, qui font monter ton sucre puis redescendre par la suite. Fait que ne prenez pas ça non. avant. Vous, les gens ni après. Ne pas consommer à la maison. Jamais. Ouais, ni avant, ni pendant, ni après, ni la journée d'avant, ni la journée d'après. C'est un aliment à proscrire. Jamais à vie. Jamais. Il y a des gens qui boivent du Red Bull léger, là, sans sucre, mais on s'entend que la plupart des mauvaises affaires restent dedans. Ah, c'est parce que la liste d'ingrédients doit mesurer quand même 8 pieds de long. Ça reste aussi pas bon. Là. Mm-hmm. C'est pas un bon. Puis il y a une différence hein, entre une boisson énergisante, type Red Bull, et les boissons pour sportifs. Gatorade, c'est ça. J'en parlerai un petit peu plus tard des boissons pour sportifs. Ça, c'est pas à proscrire en tant que tel. Je vais revenir plus tard. Évitez aussi les aliments qui nous causent des inconforts. Ça, c'est des bines. Ouais. Règle générale, les bines. C'est assez inconfortable. Des trucs, mettons, mexicains ou quelque chose qui donne des brumes à l'estomac. Oui, tout ce qui est épicé, justement, ça peut causer des brumes à l'estomac. Mais ça, c'est du essai-erreur. Hein. Il y en a qui peuvent manger épicé et qui n'ont aucun problème avec ça. Fait que ça c'est de... Oui, puis il y en a qui ont intolérance au lactose, puis il y en a qui n'ont aucun problème. Fait que c'est de faire des essais, des erreurs, voir avant l'entraînement, qu'est-ce que moi, je peux manger. Il y en a qui peuvent manger n'importe quoi avant d'aller s'entraîner, puis ça change absolument rien. Fait que chaque personne reste différent quand même. Fait que dans tout ce que je vais vous dire, théoriquement, dans ce qui s'en vient, faites vous-même vos propres tests aussi pour voir ce qui vous convient. Fait que si on parle des aliments épicés, oui, ça en est. Tout ce qui contient des fibres alimentaires peut causer des inconforts. Puis aussi, tous les aliments gazogènes. Gazogènes. Des bines. Des bines. Du brocoli, du chou. C'est bon pour la santé, mais c'est gazogène. Cela peut causer des flatulences ça durant l'entraînement. Ça peut causer des gazogènes. Avant une date ou un entraînement, pas de chou-fleur. C'est plate. Fait que c'est assez à proscrire comme type d'aliment aussi, puis c'est encore là essai-erreur. Faut se dire aussi que c'est du cas par cas aussi au niveau de chaque personne. Chaque personne, ça peut être différent. Il y en a qui vont avoir besoin de manger avant d'aller s'entraîner parce qu'ils vont se sentir faibles, puis eux, c'est super important. Puis d'autres personnes, c'est complètement l'inverse. J'ai déjà essayé de manger une heure avant d'aller m'entraîner, mais la nourriture me reste pognée dans la gorge. Ça se peut, hein? Ça aussi, c'est du cas par cas. Puis c'est le fun d'essayer, voir c'est quoi votre formule gagnante à vous. C'est la même chose aussi, quelqu'un qui va aller s'entraîner tôt le matin. Est-ce qu'il faut déjeuner avant, déjeuner après? C'est sûr que l'idéal, on va suggérer quand même de prendre une portion de glucides avant. Faire un petit fond. Un petit fond quand même au niveau des glucides. Mais il y en a qui vont l'essayer, qui vont dire « mais là, je suis pas capable, je vais m'entraîner après, puis ça reste jamais là. » Fait que même si c'est écrit dans les livres que c'est suggéré de manger tel aliment, allez-y avec votre confort à vous. Ça, c'est déjà la première chose à focusser. Fait que ça, c'est de règles générales. Bon, beaucoup à manger avant là, l'entraînement. Et là, tu as dit une heure avant, donc on mange pas directement avant d'aller s'entraîner. Oui, bien ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard aussi, là, quoi manger, là, tu sais, deux heures avant, une heure avant, 30 minutes avant, parce que ça peut changer aussi, là, selon le nombre de temps avant notre entraînement. Okay. Mais avant de vous parler de ça, quoi manger vraiment avant un entraînement, donc dans les jours qui précèdent notre entraînement. Puis là, Stéphanie, l'autre fois, tu m'en avais parlé un petit peu. Là, je te pogne la bouche pleine de muffins délicieux. Qui est une recette du livre de Geneviève Oglemen, si je me trompe. C'est bon, c'est bon. Alors, je vais prendre 10 % sur la cote de vente. Hey, le profit. Le profit. Régime de surcompensation de glycogène. Vous avez déjà entendu parler de tout, toi, Stéphanie? Oui, parce que tu m'en avais parlé. Surcompensation de sucre, là. Quoi manger, là, dans les jours qui suivent, qui précèdent l'entraînement? Ouais. Oh, t'as de l'air de me regarder avec des yeux interrogés. Interrogène. C'est... Je sais pas, on dirait que tu utilisais des grands mots, puis j'étais un peu mêlée, là. Ah! Ça veut dire, oui, je m'en rappelle, mais parle-en toi-même. Exemple. Oui. Je te donne un exemple, Stéphanie. Oui, c'est ça. Tu vas bien expliquer, c'est beau dans ta bouche. Quelle belle bouche. Le fait de manger beaucoup de glucides dans les jours qui précèdent un gros entraînement, ça pourrait être bon. C'est ça, une diète de surcompensation en glycogène. C'est le fait d'aller donner un maximum de glucides, les glucides qui vont se promener dans le sang, qui vont se transformer en glucose. C'est ça, tous les bons mots là, qui sonnent bien dans ma bouche. Là. Qui vont aller se stocker dans nos muscles sous forme de glycogène. Fait, quand on atteint le glycogène, c'est ça. C'est du sucre qui est stocké dans nos muscles. Tout le sucre qui va être stocké dans nos muscles, quand on va faire une activité physique, nos muscles vont se nourrir directement de ce sucre-là. C'est le fun de savoir, glycogène, c'est à ça que ça sert. Les diètes de surcompensation de glycogène, c'est les diètes qu'on va faire dans les jours qui précèdent un entraînement. C'est bon, mais pour des personnes qui vont faire un très gros entraînement, voire les athlètes qui vont aller en compétition. C'est ça, courir le Ironman. Oui, exactement. Ou, mettons, on peut se dire même un 10 km, ou c'est bon de faire une surcompensation en glycogène. Puis surcompensation, là, ce que ça veut dire, en gros, c'est que, bon, la plupart des êtres humains normaux, dans notre alimentation, dans une journée, on devrait manger, dans notre alimentation de la journée, entre 45 et 65 % de glucides. Qui devrait composer ce qu'on mange dans une journée. Si on fait une surcompensation en glycogène, on va augmenter cet apport-là à autour de 80 %. C'est-à-dire 80 % okay. de ce qu'on va manger dans une journée, dans les jours qui précèdent l'entraînement, ça va être composé de glucides. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis ceci étant dit, on peut pas juste dire, ben, je vais manger des barres de chocolat, je vais manger tout ce qui compose des glucides. Il faut que ça soit fait par quelqu'un qui s'y connaît. Parce que c'est une grosse formule quand même mathématique qui va aller avec ton poids, ton âge, ta grandeur, le type de sport que tu vas pratiquer et tout ça. Fait que ça, c'est dire, ça existe, c'est bien, mais c'est vraiment dans le cas où vous allez avoir quelque chose de vraiment important, que vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie parce que votre activité va être intense et votre activité va être très longue aussi. Fait que ça existe, mais il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi. Puis dans le livre, il y a justement plein d'exemples là, de types de diètes qu'on peut faire dans les jours qui précèdent. Mais encore là, il faut que ça soit intense et long comme activité. Oui, mais c'est sûr, déjà, si on va déjà au gym 3, 4, 5 fois par semaine, on serait tout le temps dans cette diète-là, donc ça donne rien. C'est ça. Puis tu sais, quelqu'un qui va au gym, mettons, 3 fois par semaine, va avoir quand même beaucoup de récupération. Les muscles vont avoir le temps de récupérer. Et tout ce qu'on va manger dans notre quotidien, si on a une alimentation équilibrée, bien, nos muscles vont avoir tout besoin. Tout ce que le muscle va avoir besoin, ça va être déjà là, proche de lui. Là. Toute la réserve de glycogène va être déjà stockée dans les muscles. Fait que quelqu'un qui va s'entraîner 3 fois par semaine, à raison d'une heure par entraînement, n'aura pas besoin de faire une surcompensation parce qu'on a déjà tout ce qu'on a de besoin. Fait que, si, justement, vous entraînez là, comme ça, là, vous allez au gym, même 5 fois par semaine, si ça dure une heure, vous n'avez pas besoin de surcompenser. Fait que, déjà, en partant, ça, c'est une parenthèse pour dire ça existe. Mais si ça vous intéresse parce que vous voulez devenir un athlète ou vous avez un objectif spécifique, demandez à un spécialiste de vous aider. Les nutritionnistes sont là pour ça. Certains kinésiologues sont formés aussi pour pouvoir vous aider dans ce domaine-là aussi. Oui, parce que dans le fond, on ne change pas notre alimentation seul pour le fun de même. C'est là. Ça. Puis, tu sais, c'est reste que c'est quand même complexe. Hein? Juste prononcer les mots comme il faut, là, ça me fait mal à la bouche. Là. Fait que voilà, c'était ma parenthèse pour les régimes de surcompensation en glycogène. Ceci étant dit, dans le concret, bon, ben, bye! Bye! Merci, bonne journée, puis je m'en vais monter ma dose de glycogène. Bon, merci, ben, écoute. Ça, c'est un café de sucre, c'est ça? 42 sucres. Ouch! Oh, wow. Après ça, ton sucre va augmenter de façon drastique, puis après ça, tu vas avoir un coup de bombe, puis tu vas dire, je suis fatiguée pour étudier. Mais non, je prends jamais de sucre dans mon café. Ça enlève tout le bon goût. Ah! Il a dit comme ça. Ouais, hein, ça fait allô, mon coco. Oui. Alors, de façon plus concrète, quoi manger avant un entraînement si on est 2 heures avant un entraînement? Ça, c'est le fun. Là, on rentre dans le vif du sujet. Là. 2 heures avant un entraînement, ça peut être suggéré. C'est un repas, hein, 2 heures avant. Là. Un repas quand même riche en glucides, puis de quantité modérée de protéines, puis de lipides. Fait qu'encore une fois, c'est tout, vraiment au niveau de la digestion. Fait que pour éviter de digérer le temps qu'on s'entraîne. Parce que quand on digère beaucoup le temps qu'on s'entraîne, là, si toute notre énergie est mise dans notre digestion, on a moins d'énergie à fournir dans nos muscles. C'est logique. C'est la raison principale. Fait que par exemple, un repas normal qui pourrait être constitué de une tasse de pâte de blé entier, une demi-canne de thon, une portion de légumes, puis un fruit comme dessert. Tu sais, c'est pas trop gras. C'est quand même riche en fibres, pas trop. Fait que tu sais, ça va chercher quand même. Tu sais, après ça, on peut se promener dans les équivalents. Ça peut être une tasse de riz avec un autre portion de viande, avec des légumes. Fait que ça peut être bien. Dans le fond, un repas normal. Ce qu'une assiette devrait contenir, c'est un repas normal. C'est parfait comme aliment à manger 2 heures avant un entraînement. Ensuite, 1 heure avant un entraînement, ça constitue en un repas léger. Ce qui va être quand même riche en glucides, mais à ce moment-là, faible en lipides puis en protéines. Ça pourrait constituer en des céréales avec du lait 1%. Aussi simple que ça. Des bonnes céréales, pas des Fruit Loops, ça? Non, des bonnes céréales, parce que Fruit Loops, encore une fois, le deuxième ingrédient est sucre. Et des loups, excuse-moi. Et tu sais que c'est pas le premier? C'est vrai, t'as peut-être raison. Hein, je sais même pas si c'est le premier. Faudrait vérifier. Fait que oui, éviter. Hein, céréales de grain entier, c'est toujours une bonne idée. Ça, c'est 1 heure avant. Et 30 minutes avant, c'est d'éviter toutes les glucides simples, là, de tout ce qui est confiture et tout ça, on sait. Mais manger quand même des glucides comme un fruit. Aussi simple que ça, 30 minutes avant l'entraînement, si vous mangez un fruit, c'est parfait, vous ne cassez pas la tête. Et un yogourt, ça pourrait être bien aussi là, avant l'entraînement, 30 minutes avant. Encore là, c'est errant, vous avez de la misère à digérer les produits laitiers, allez pas manger un yogourt 30 minutes avant, vous allez le respirer le reste de votre entraînement. C'est ça, puis écoutez pas juste les mots que vous voulez entendre, parce que moi, j'irais me chercher un yogourt triple chocolat, genre caramel et vanille. Ben, c'est ça, il y en a avec des saveurs comme ça, mais qui ne sont pas nécessairement plus sucrées. Oui. Ça pourrait faire la job Silhouette, aussi. Silhouette, c'est le genre. Ben oui, 35 calories, si on... ça pourrait faire la job aussi. Ben oui, tarte au citron, là. Fait que ça, c'est là, avant l'entraînement. Maintenant, pendant l'entraînement, quoi manger? Un cupcake. À Mathieu? J'imagine, moi, la réponse devrait être j'imagine absolument rien pendant l'entraînement, non? Est-ce que tu manges pendant l'entraînement pour vrai? J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, c'est bon ce que tu dis parce que tous les gens qui vont s'entraîner 1 heure et moins. Puis là, si je dis 1 heure, là, si vous vous entraînez 1 heure et quart, là, ça rentre dans le 1 heure et moins. Vous n'avez pas besoin de manger pendant votre entraînement. Ton jugement du temps est bizarre un peu. Oui, dire, ah, ben là, ben moi, tu sais, je m'entraîne 1 heure et 5 minutes, ça dépasse le 1 heure, fait que je peux manger pendant l'entraînement. Non, si c'est autour d'une heure, vous n'avez pas besoin de vous nourrir pendant votre entraînement parce que vous avez exactement ce que vous avez besoin en termes de glucides de stocker si vous avez mangé convenablement dans la journée, dans les jours avant aussi, pour vous fournir assez d'énergie pendant votre entraînement pour ne pas frapper un mur. C'est toujours ça, le but. C'est de maximiser notre performance durant l'entraînement et éviter de frapper un mur, d'être fatigué ou d'avoir des inconforts. Hein? C'est tout le temps là-dessus qu'est basé notre choix d'aliments dans l'entraînement. Manger pendant un entraînement, c'est sûr que là, on ne commence pas à se prendre un bol de quelque chose. Là. Alimentation liquide peut faire la job. Puis là, quand je dis liquide, c'est là qu'on va parler de boissons pour sportifs. De type Gatorade. C'est là que je peux amener mon petit chapeau à rack à bière là, avec des pailles. Oui. Tu en mets un de chaque bord. Fait que là, tu vas avoir de la consommation. Oui, ça ne va pas nuire du tout. Ben non. Quand on s'entraîne 1 heure et moins de l'eau, c'est parfait. On n'a pas besoin de plus que ça. Si on s'entraîne 1 heure et plus, une grande période pour éviter justement de frapper un mur, là, ça peut rentrer en considération les boissons pour sportifs. Ce qui est intéressant dans les boissons de type Gatorade, c'est qu'ils ont exactement le bon nombre de concentrés de sucre par rapport au nombre de sel puis par rapport au nombre d'eau pour favoriser l'absorption de tous les aliments dans nos muscles. Dans le fond, pour qu'on puisse, encore une fois, utiliser ces glucides-là, ces sucres-là, pour être plus performant, pour éviter de pogner notre mur, là, finalement. Ce qui est bon à savoir dans ces consommations-là de boissons Gatorade, c'est que eux, ce qu'ils font, c'est qu'au niveau des glucides, ils vont avoir entre 4 et 8 grammes de glucides par 100 millilitres d'eau. C'est pas des chiffres à apprendre par cœur en tant que tel, mais dire c'est ça leur calcul, c'est ce qui va favoriser l'absorption des glucides. Puis la quantité de sodium aussi idéale pour favoriser l'absorption. Si on se dit, ben là, moi, à place d'acheter une boisson Gatorade, j'aimerais ça me faire mon propre jus maison, pouvons-nous le faire? Oui. Genre oui. L'avantage de le faire nous-mêmes, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Ben oui, vraiment. D'acheter notre propre jus que ces boissons-là. Et aussi, dans les vrais jus, ben, ça contient encore les vitamines, les minéraux. Ça fait qu'au niveau santé, c'est encore plus nutritif. Puis, tant mieux. C'est pas compliqué non plus. Ben non, c'est pas compliqué. Puis des fois, on se dit, c'est quoi la formule magique pour pouvoir le faire? Si on prend l'exemple du jus d'orange qui peut avoir une quantité de 9 grammes de sucre par 100 millilitres d'eau. Ça, c'est le même. Le jus d'orange comporte ça là, comme gramme de sucre. 9 grammes, ça serait un petit peu trop dans 100 millilitres d'eau. Fait que c'est pour ça qu'on va suggérer de le couper avec la moitié d'eau. Fait que si on prend 50 millilitres d'eau, 50 millilitres de jus d'orange, là, si je divise mon 9 par 2, ça viendrait 4,5 grammes de glucides dans ma quantité de mon nouveau jus que je viens de me faire. Encore là, ça a l'air super mathématique. Là, finalement, c'est pour vous dire, prenez moitié d'eau, moitié de jus d'orange, puis vous venez de vous faire une boisson Gatorade parfaite avec les électrolytes. C'est tellement simple. Hein? C'est simple comme ça. Là, je vous ai tout expliqué avec les grammes parce que c'est super intéressant. Ben, le mois d'or pour le fun. Mais si ça vous met, prenez une Tylenol, puis faites juste faire moitié eau, moitié jus d'orange, une petite pincée de sel, puis on est en business. Fait que ça peut être bon si, par exemple, vous allez courir un marathon ou un 5 km, puis vous avez besoin de plus d'énergie parce que ça vous prend beaucoup plus qu'une heure. Fait que ça, c'est le pendant l'entraînement. Ensuite, après l'entraînement, quoi manger après? Ce qui va être suggéré, c'est dans les 15 à 30 minutes après l'entraînement, encore une fois, de consommer des glucides. Fait que finalement, la formule magique à retenir, c'est que c'est les glucides qui sont importants comme carburant, comme énergie pour nos muscles pendant l'entraînement. Consommer des glucides entre 15 et 30 minutes après, puis c'est là que je rentre en considération la fameuse question du lait au chocolat. Oui, il y en a plein qui boivent ça, c'est oui, vrai. Oui, on entend parler, on boit du lait au chocolat après l'entraînement, c'est quick bon. Quick aux fraises, non pas aux fraises au chocolat. Bien, encore là, aux fraises, faudrait vérifier, c'est encore la quantité de sucre qu'il y a dedans aussi. Fait que s'il y a la même quantité de sucre aux fraises qu'au chocolat, ça pourrait être très bien. Un cupcake dans un blender? C'est sûr. Peut-être que ce sera à voir encore. À voir les portions de glucides par rapport à la protéine qu'il y a dedans aussi. Ce qui est intéressant de cette formule-là, pis c'est bon, hein, vous me demandez, tu sais, c'est-tu bon, c'est pas bon? C'est bon. C'est vrai que c'est bon parce qu'on a exactement la bonne consommation de protéines par rapport à glucides qu'on va avoir besoin pour, après ça, aller stocker l'énergie, aller stocker tous ces glucides-là. Alors, oui, la formule est bonne. Dans notre petit lait au chocolat, on a exactement ce qu'on a de besoin pour récupérer, pour faire des réserves. Fait que si on s'entraîne le lendemain, bien, le fait d'avoir consommé ce lait au chocolat-là, 15 à 30 minutes après notre entraînement, va nous aider à être encore plus performants dans l'entraînement du lendemain. C'est vrai. Ceci étant dit, premièrement, si on ne s'entraîne pas le lendemain, si on sort des journées, c'est tel que tel, avons-nous vraiment besoin de cette source-là? Mais c'est bon dans la bouche. Mais bon si moi, j'ai pas faim après un entraînement, je vais-tu quand même performer le lendemain si j'ai rien pris après? Bien, règle générale, oui. Je te répondrai à ta question oui, parce que ton entraînement consiste à venir faire des cours en groupe, t'entraîner une heure, pas aller faire des marathons, des Ironman. T'es pas dans un mode athlétique où ce que tu vas avoir besoin de t'entraîner 4 heures dans la journée le lendemain. Fait que, tu sais, est-ce que c'est obligatoire? Absolument pas. C'est utile, mais est-ce que c'est obligatoire pour monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne? C'est pas obligatoire et même que ça pourrait être problématique si on soulève la question de « je suis en processus de perte de poids ». Si votre objectif est de perdre du poids, puis que pendant votre entraînement, exemple, vous entraînez pendant une heure de temps, en règle générale, on brûle bon, une grosse moyenne, 500 calories en une heure, puis qu'après ça, après notre entraînement, on se dit « bon, ben, je vais prendre mon lait au chocolat pour avoir un maximum d'énergie », puis qu'on vient boire 150 calories, bien, ça nous fait déjà un déficit moins important. Mm-hmm. Puis là, si je rajoute à ça, en plus, j'ai entendu dire que le Gatorade, c'était bon pendant l'entraînement, on se rajoute un autre 150 calories à boire pendant l'entraînement, on vient de faire un déficit de 200 calories. Parce que là, ça fait comme 500 calories moins 150, moins 150. C'est plus grand-chose. Fait que là, tu dis, voyons, je m'entraîne puis je perds pas de poids. Bien, c'est ça. Fait que tu sais, c'est... Ben, réveille, t'es-tu conne? Fait que oui, Gatorade pendant, c'est bon si on s'entraîne sur une longue période. Oui, le lait au chocolat, après, ça peut être bon pour récupérer. Mais c'est toujours, il faut savoir doser. Si vous êtes en processus de perte de poids, vous pourriez tout simplement dire, ben regarde, je vais aller consommer un glucide après, je vais manger un fruit. Pourquoi pas? Puis utiliser un fruit, pas vous rajouter un fruit que vous n'aurez pas mangé dans la journée, juste utiliser une de vos collations que techniquement vous aurez pris une heure et demie plus tard, ben la prendre après. si t'as pas faim après, t'es pas obligé de te forcer non plus. Puis tu vas le voir, là, si le lendemain, t'as de l'énergie pour exister, pour faire ton entraînement, il y a pas de problème aussi. Là. C'est tout des trucs qui sont suggérés pour maximiser votre performance. Puis souvent, c'est ça qu'on va entendre. On va dire à Gatorade, on maximise notre performance. Lait au chocolat, on maximise aussi. La diète riche en glucides de la veille, de surcompensation. Tout ça, c'est vrai, mais souvent, c'est basé pour des athlètes qui veulent s'entraîner 15-20 heures par semaine. Puis là, le corps, un moment donné, c'est une machine, mais oui, on a besoin de carburant. Puis à ce moment-là, on a besoin d'apporter plus à notre alimentation. Pour ceux qui vont s'entraîner à raison de 3-4 fois par semaine, qui vont venir au gym une heure et demie de temps, tout ça, c'est pas nécessairement obligatoirement applicable. Juste le fait de bien manger, de fournir à votre corps tout ce qu'il a besoin dans une journée. Souvent, moi, je travaille beaucoup avec les livres Kilo Cardio. Mm-hmm. Dire, faites votre calcul au début. Regardez combien de calories êtes supposé de manger dans une journée. Essayez de bien séparer votre assiette pour manger la bonne quantité de fruits, légumes, bonne quantité de protéines. Tout ça, là, vous allez avoir toutes les quantités nécessaires que votre corps va avoir besoin pour fournir de l'énergie, sans avoir à faire des apports puis à rajouter des calories en plus dans votre journée. Parce que c'est plate, tu te dis, là, je vais m'entraîner, oui, pour avoir tout plein de bienfaits, mais si je veux m'entraîner dans un processus de perte de poids, ça devient moins intéressant si je ne perds pas de poids. Hein? Tu es rendu à la fin de l'année, c'est plate. Il y a un petit recalcul à faire à ce niveau-là. Fait que ça, c'est ce qui résume quoi manger avant, pendant et après l'entraînement. Je vais faire une petite parenthèse. Hydratation. De l'eau, là. Il faut boire de l'eau pendant l'entraînement. Ouais. Je pense qu'on est au courant. De toute façon, on a des signaux. Hein? On a soif, fait qu'on va aller boire de l'eau. Mais il faut boire avant, puis il faut boire après aussi l'entraînement. C'est super important de s'hydrater toute la journée et ne pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater. Quand on a soif, il est déjà trop tard, on a soif, on est déjà déshydraté. Faut pas attendre d'avoir ces signaux-là pour boire. Puis là, juste parenthèse comme ça, parce que c'est intéressant à savoir, les femmes, ce qu'on devrait boire dans une journée en quantité d'eau, c'est 2,2 litres d'eau par jour, 9 tasses. Ça veut dire, on peut essayer de se splitter ça dans une journée, 9 tasses d'eau à boire dans une journée. Ça, si on boit du café, si on boit du thé, ça compte là-dedans, parce que c'est de l'eau. Tu sais, même si on rajoute notre sachet de thé dedans, ça compte quand même. Et pour les hommes, c'est tout le temps plus pour les hommes. Ben oui. Capable d'en prendre, ça. C'est ça. On a plus d'alcool aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est injuste. Oui, effectivement. Les hommes, c'est 3 litres d'eau par jour, 13 tasses d'eau par jour. Puis c'est sûr que cette quantité-là, quand vous entraînez, bien, il faut l'augmenter, cette quantité-là, en plus. Puis surtout au niveau, si jamais vous suez plus pendant votre entraînement et tout ça, ça va falloir augmenter cette quantité-là aussi. Alors, ceci conclut ma chronique du « Quoi manger avant, pendant et après l'entraînement ». Puis la morale de cette histoire-là, hein, c'est vraiment de faire des essais, des erreurs. Continuez de vous documenter. Vous pouvez aller voir justement dans le livre « Le nutrition, sport et performance », des idées de collation que vous pouvez prendre. Je vous ai donné quelques idées, mais encore là, les formules gagnantes, c'est vraiment de se dire « J'évite de manger beaucoup de protéines, beaucoup de lipides avant d'aller m'entraîner. Je peux laisser un laps de temps. Le but, c'est d'être capable de digérer pour avoir un maximum de performance. » Puis de prendre à légère, quand on entend des conseils comme prendre des boissons pour sportifs, lait au chocolat et tout ça, c'est bon, mais si vous entraînez 3-4 fois par semaine, ce n'est pas nécessaire. Alors, voilà. J'espère que vous êtes instruits et stimulés. Ça fait déjà stimulé, en tout cas, dans le livre, pas mal. Oui, non, il y avait une belle recette là, de petit jus. Là, ça avait l'air bon. Mmh. Donc, ça. Cindy, on te lit dans le Zone Campus aux 2 semaines. Oui. Il y a un nouveau numéro qui est sorti cette semaine avec cette chronique-là, donc c'est la référence à aller trouver. Sinon, ben, on te retrouve ailleurs, chez Énergie Cardio, c'est ça? Dans 30 minutes. Fesse de fer. Oui. Voilà. Génial. Cindy Gilbert, activez votre santé aux 2 semaines et mercredi à 8h. Merci beaucoup. Merci. Donc, on est toujours à Assemblage Requis. Dans quelques instants, François Landry et Logocratie 101. Chronique dans une case horaire spéciale cette semaine. C'est vrai que c'est spécial. Pas moins spécial. Au retour. Merci. Là. Tes oreilles. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 26 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et maintenant, on reçoit un chroniqueur qu'on reçoit d'habitude le jeudi, mais étant donné qu'on n'est pas là tantôt et on va arrêter de vous agacer éventuellement avec ça, mais on va vous expliquer pourquoi à la fin de l'émission, qu'on ne sera pas là demain. Donc, on l'a déménagé au mercredi, on l'a devancé un peu, mais ça faisait deux semaines qu'on l'avait pas vu. Je crois, François, ça fait deux semaines. C'est exactement, oui. T'étais malade la semaine passée, ça va ouais. mieux? Ouais. Mmh. Mais je récupère. Bon. Ouais. Ben, c'est le fun que tu récupères. Je suis content d'entendre ça. Contrairement à certains politiciens qui ne font que, j'imagine... Chuter et nous donner des maux gastriques. Des maux gastriques. Comme le brocoli puis les bines de tantôt. Oui, ou juste le mot « gaz ». C'est un mot gastrique. C'est un mot gastrique. Voici le logo Crassi 101. Ouais. Pas fier de ça, là. Ouais. Le début est solennel. Collègues, s'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Donc, François Landry, Logocratie 101. Si je me rappelle du thème que tu devais faire il y a deux semaines, c'était les élections à venir dans le mois d'avril. Genre, avec un point d'interrogation. C'est-tu 14 avril? C'est, effectivement. Wow, je l'ai bien retenu. Ah, c'est bien. Je sais pas si mais avec un point d'interrogation. Ben oui, ben oui. Parce que c'est pas encore fait. Pour poser une question. Exactement. Parce que tous les observateurs et toi-même, Mathieu Plante, de la scène politique québécoise, pensent que les élections auront lieu au printemps. Hein? Ouais. Printemps étant très bientôt, le 21 mars habituellement. Donc, on va dire que c'est là. Et moi aussi, j'en suis. Puis je vous l'avais dit là, depuis des années, le 14 avril des élections. Mais ouais, on a la cassette d'ailleurs. Ouais, ouais. On 14 avril les élections. Pareil. Tu m'imites très bien. Un vrai Pierre Verville. Les indices, toutefois, s'accumulent pour déclenchement précipité des élections. Donc, une série d'annonces. On l'a vu là, pas tellement longtemps en Mauricie. Il y a eu 85 annonces juste en Mauricie d'investissement de plusieurs millions. Il y a eu drôle de hasard, hein, quand même. Drôle de hasard, surtout la Mauricie, parce qu'on sait que la Mauricie, c'est une région cible pour les péquistes. Donc, ils veulent vraiment avoir les 5 circonscriptions de la Mauricie. Ils pourraient former le gouvernement majoritaire, c'est juste à en avoir 3 ou 4 autres ailleurs. Et ils ont aussi déposé un budget, hein? Un budget qui était un document rempli de mots. Ça avait l'air vrai quand on le regardait. Oh, ouais, c'est sûr. Oh, ouais, ça avait l'air vrai. Je suis sûr que t'as botté téléphonique quand tu. Tu peux juste rajouter une couverture. C'est là. Comme à l'école quand tu mets des bandes dessinées dans ton lit. Exactement. Ouais, ouais. T'as fait ça? Non. Moi, je faisais de Nintendo Power. Oh, oui, oui, Nintendo Power. Moi, mais ça fait un peu plus de bruit, ça, par exemple. Bah. Game Boy avec l'écouteur, là, c'est. Je faisais ça. Non, le magazine Nintendo Power, vous suivez ah, pas. Ah, non, je connais pas ça. Oui. Ah, non. Donc, revenons à des sujets sérieux. Ouais, je sais pas. Hein? On spécule sur la date du déclenchement des élections et sur la date du vote. En fin de compte, c'est la première ministre qui décide ou non d'appuyer sur le buzzer pour dire « je déclenche des élections ou pas ». C'est son prérequis. C'est pas son prérequis, mais c'est son droit absolu. C'est la bosse. D'ici là, il est peut-être bon de rappeler la mécanique du déclenchement des élections, ce que la loi prévoit en fait. Parce que bien qu'elle ait le pouvoir, il y a quand même une législation derrière tout ça. Donc, une campagne électorale au Québec dure entre 33 et 39 jours obligatoirement. En principe, des élections ont lieu à date fixe le premier lundi du mois d'octobre tous les 4 ans. Ah, okay. L'article 129 de la loi électorale. Un lundi, est-ce que c'est un bon jour pour aller voter, ça? C'est, par tradition, c'est toujours un lundi. Okay. Aux États-Unis, c'est un dimanche. Oui. Au Québec, Canada, c'est un lundi. Ah, c'est parce que le dimanche, t'enlèverais genre la voix, t'enlèverais des codes. Oui, ben ouais, exactement, tu sais, tout le monde en parle. Ben non, c'est tout le monde en parle, pas ça, pour la voix. Hein? Oui, oui. Donc, ben, on pourrait faire ça à la place des élections où je me reviens d'abord, je te veux dans mon équipe. Oui, c'est bon ça. Toi, je te veux pas, on retourne. Donc, le gouvernement marois a fait adopter à l'unanimité en juin 2013 cette loi qui prévoit que les élections auront lieu à date fixe, le premier lundi d'octobre tous les 4 ans. Selon cette balise, les Québécois devraient aller aux urnes le 3 octobre 2016. Dans son discours à l'Assemblée, lors de l'adoption de la loi par son parrain Bernard Drinville, il expliquait qu'il était nécessaire pour restaurer un lien de confiance passablement amoché avec la population. Les élections appartiennent à la population. Leur date doit servir l'intérêt démocratique, pas l'intérêt du parti au pouvoir. En fixant une date d'élection, on fait disparaître la stratégie partisane de la date électorale. Fini les déclenchements en fonction des sondages. Fini les déclenchements en fonction des commissions d'enquête. Le Québec mérite bien ça. Ben, il me semble que ça a du sens, là, c'est vrai. Ça avait du sens à l'époque. Oui. Mais là, présentement, il y a des sondages favorables au PQ. Ah. Une commission d'enquête, l'économie, blablabla. Ben, guess, ça donne de même, ça donne de même. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein? Méchant hasard, comme dirait l'autre. Donc, le lieutenant-gouverneur, tu sais, celui qu'on paye à rien faire, C'est son rôle. Il peut rien faire. Il représente la reine. Non, il représente la Gigi du Canada, qui elle représente lui. Ah, qui okay, la okay, ouais, ouais, ouais. Le représentant de Dieu sur Terre. Donc, conserve toutefois le pouvoir de dissoudre la Chambre et de déclencher des élections. C'est quand même lui, le big boss symbolique. S'il le juge nécessaire, par exemple, si le premier ministre n'a plus la confiance de la Chambre après un vote, ou si l'opposition le renverse sur un vote de confiance. Donc, on n'a pas à faire son transverse, le lieutenant-gouverneur peut octroyer le pouvoir à l'opposition. Mais dans l'hypothèse d'un déclenchement prématuré, contexte dans lequel nous sommes présentement, l'article 131 de la loi prévoit ceci. Le scrutin a lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret. Si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le sixième lundi, si le décret est pris un autre jour. Ah, c'est pire que Pâques, cette affaire-là. Ah, c'est compliqué, là. Faut regarder la lune, les as, puis... Jojo Savard, tu l'appelles sa hotline. Tout à fait, tout à fait. Pas neuf, you know. Qu'est-ce que tu prévois pour moi le prochain sixième lundi? Chance matérielle. Oui, heureux en amour. Oui. Vous ferez la rencontre de quelqu'un que vous ne voulez pas connaître. Donc, c'est un peu technique, je te l'accorde, Mathieu, mais voici ce que ça veut dire en termes concrets. Si le déclenchement est un jeudi, le scrutin a lieu 39 jours plus tard, le sixième lundi. OK. Si le déclenchement est un vendredi, le scrutin a lieu 38 jours plus tard, le sixième lundi, ainsi de suite. Oui. Ah, j'irai pas jusqu'à la fin parce qu'il y en a 39 jours d'avance. Non, mais c'est quand même bien comme explication, ça. C'est... Exactement. Donc, les élections ont toujours lieu un lundi, comme on le disait, sauf si ça tombe un jour férié. Hein? Parce qu'il ne faut pas déplaire à Dieu, hein, quand même. Ben non. Faire de la démocratie quand Dieu fête sa fête. Non. À ce moment, le vote a lieu le lendemain, le mardi. OK. Donc, alors, à court terme, retenez trois dates possibles pour une date d'élection. Le 31 mars, le 7 avril ou le 14 avril. Toutes trois semaines d'affilée les lundis, ça. Exactement. D'accord. Sauf que Pauline Marois a exclu dans un discours qu'il n'y aurait pas d'élection en mars. Ah. Donc, il reste le 7 ou le 14. Oui. OK. Mais au risque d'en rajouter, on parlait d'ésotérisme, tu dois aimer les chiffres, donc la numérologie. Ben oui. Ah, OK, on fait juste ici un petit jeu. Il n'y a jamais eu d'élection générale au Québec un 31 mars ni un 7 avril. Jamais de l'histoire. Jamais de l'histoire. D'accord. Le 14 avril 2003, le PQ a perdu le pouvoir aux mains des libéraux. Voudront dire se venger. Donc, avoir un gouvernement majoritaire le 14 avril, donc ça ferait après 11 ans, donc on se débarrasse de la vieille clique. Ça ferait un chiffre rond en un plus. Chiffre rond, exactement. À moins que ça apporte malchance. Peut-être, peut-être. Mais tu parles de malchance. Le Titanic a coulé le 14 avril. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Hein? Hein? Tu sais? Les astres sont alignés. Les gros bateaux coulent tous. Puis on avait dit de Pauline Marois qu'elle était la dame de béton. On s'entend que du béton, ça coule pas mal plus vite qu'un Titanic. Donc, voilà. Donc, le déclenchement des élections aurait lieu le 11 mars ou le 12 mars, tout dépendamment, parce qu'ils sont présentement en vacances, nos chers députés. Toujours en vacances, hein? Ils sont précisés quand ils sont de relâche. Ben oui. Ah ouais, eux autres, c'est pas une semaine, c'est deux semaines. Ben oui. Hein? Ils sont en relâche présentement. La semaine prochaine, c'est la semaine de relâche pour les collèges et universités. Donc, ils reviennent en chambre le mardi le 11. Là, après ça, il faut qu'ils niaisent, tu sais, racontent leurs vacances aux autres pendant quelques jours. Ils vont faire leur salutation d'usage, ça, effectivement. Ouais. Fait que la semaine au complet va sûrement passer dans le beurre. Ben non, ça, c'est le mardi, ouais, ça, c'est le, mardi le 11. Ouais. Ils pourraient revenir en chambre pour adopter des projets de loi qui leur tiennent à cœur, mais présentement, aucun projet de loi n'est assuré. Et j'ouvre une parenthèse, dès qu'un gouvernement déclenche des élections, tous les projets de loi sont tablettés. Okay. C'est fini. Il faut recommencer le processus de zéro lors de l'instauration d'un nouveau gouvernement, même si c'est le même gouvernement. Il faut recommencer. Donc, ouais. C'est des procédures bureaucratiques. Voilà, ouais. Voilà, c'est très long. Donc, quand tu veux faire mourir un projet de loi, tu l'étires, tu l'étires, tu l'étires. Déclenchement d'élection, faut recommencer. Oh well. Et ça, c'est on verra, c'est le temps de le ramener. Ouais, ouais. Hein, comme mourir dans la dignité, tous les partis à l'Assemblée nationale étaient d'accord pour que ce projet de loi devienne une loi. Ça se pourrait qu'il meure au feuilleton, sans jeu de mots. Oui, ben c'est ça. T'es un peu déplacé. Hein? Voilà. Voilà. Donc, il y aurait déclenchement d'élection le 11 ou le 12, le mardi ou mercredi. Donc, il y aurait une campagne de 33 jours qui amène au 14 avril. Donc, dès le retour en chambre, déclenchement d'élection. Donc, retiens ça le mardi après la semaine de relâche. Okay. Donc, le temps qu'on se décrotte les yeux, nous autres, ouais. Ça va être fait. Même si la campagne électorale n'a pas encore été déclenchée, on voit apparaître clairement trois principaux enjeux. La charte, l'économie et la fameuse souveraineté du Québec. Les travaux de la commission Charbonneau nous en fourniront peut-être un quatrième, mais il est impossible de prédire quelle direction la commissaire va vouloir orienter. Présentement, on parle de Rambo. Hein? Je m'attends à ce que Terminator soit là la semaine prochaine. Et ça serait pas pire, Predator, le ramener. Oui, oui, oui. Peut-être Die Hard aussi. Après Rambo et tout ça, là. C'est comme les Expendables, le film, il y a tous les héros de cinéma. Ouais, ben, Sylvester. Ben ouais, oui, ouais, ouais. T'es là-dedans. Ouais. Ouais. D'ailleurs, sur Twitter, le hashtag Rambo, Sylvester Stallone, c'est, il devait pas comprendre. Non, c'est ça. Il voyait pas l'affaire de politique. Qu'est-ce qui se passe au Québec, ouais. Donc, la charte. C'est un incontournable. Après plus de 6 mois de controverses sur la question, c'est un sujet sur lequel les opinions sont déjà coulées dans le ciment. Comme on dit en campagne électorale, c'est la raison pour laquelle le leader du gouvernement en chambre, Stéphane Bédard, a suggéré que l'on publie immédiatement tous les mémoires reçus avant la fin des travaux de la commission parlementaire de Bernard Drinville. On a tellement débattu le pour et le contre qu'il n'y a plus aucune avancée. Donc, peu importe si on publie, il va faire juste... âme charitable, là, je le publie, voilà. On a tous nos arguments, c'est 50-50 au Québec. L'économie est également un incontournable parce que le gouvernement a le nez collé sur les finances et sur la précarité de l'économie au Québec. La CAQ et le PLQ en feront une lutte acharnée. On a déjà vu Philippe Couillard dire « Je veux parler d'économie. » Et Legault qui dit « Moi, j'ai la seule équipe économique en place. » L'opposition n'a même pas de leader de tête grise en matière d'économie. Un budget qui a été déposé a l'avantage pour Pauline Marois d'avoir un document pour, avec lequel se défendre. Donc, moi, j'ai un budget. Les chiffres sont peut-être faux dedans, c'est sur un bottin téléphonique comme tantôt. Là. Mais au moins, j'ai un budget. Vous, sur quoi vous vous basez? Sur des études? Sur des interprétations? Du gris-gris. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, on verra bien l'angle d'attaque des partis d'opposition et du gouvernement, tout dépendamment quelle économie on va voir. Les CPE, je suis certain que ça va revenir... Ils ont passé de 7 à 9 piastres. Oui, oui. On verra bien ce que ça va donner. Et la souveraineté aurait pu ne pas s'inviter dans la campagne électorale, parce qu'on en a peu parlé depuis l'élection du gouvernement PQ. On parle beaucoup de souveraineté du Québec quand le PQ est dans l'opposition. Remarquez ça. Une fois au pouvoir, on ne parle plus de souveraineté du Québec. On parle de gouvernance souverainiste, on parle on parle juste même pas. Non, j'ai pas d'autre terme. Tu m'as dit que les gens étaient tannés d'entendre parler de ça, la souveraineté, mais là, ça existe encore, ce sujet-là, c'est encore un débat. Oui, dans les sondages, on en avait parlé au début de session, c'est un sujet des baby boomers. Exact. Les jeunes ne s'intéressent pas à la souveraineté, ils s'intéressent à la société, à l'environnement, au développement durable et à l'avenir, pas à la souveraineté du Québec. C'est pas un sujet in. Donc, qu'on passe à autre chose, qu'on la fasse ou qu'on la fasse pas, mais qu'on se branche. Hein? C'est ça. Bon, voilà. Même Pauline Marois a ouvert le débat dans un discours à Trois-Rivières quand elle est venue ici, ce qui a permis à Philippe Couillard d'agiter le spectre de la séparation. On parle pas de souveraineté, on parle de séparation. Le sujet en devient donc un troisième incontournable. Et Philippe Couillard, en parlant de séparation, c'est un terme tellement galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire être séparatiste? Je suis un indépendantiste, un souverainiste, un séparatiste. Séparatiste, ça relève des années 70, donc le spectre de la séparation, donc briser quelque chose. Ça fait divorce, tu sais, séparation, oui, ensuite divorce. Casser, ben, y a jamais un divorce qui se passe bien. C'est ça. T'sais? À moins que ça soit vraiment à l'amiable, mais il y a toujours du cachet en dessous. À l'arrière, un des deux déteste l'autre. Voilà, voilà, secrètement. Donc, habituellement, on utilise le mot séparation quand on est dans ses derniers retranchements comme dernier argument. C'est juste un break qu'on veut. Ouais, c'est ça. Un break, oui, c'est ça. On peut aller voir ailleurs, mais ça, on revient ensemble après. Ouais, on va pas voir ailleurs, t'es faite même si tu veux, en tout cas. Hein? Cette fois, il a utilisé le mot séparation avant même le déclenchement des élections. Donc, c'est une stratégie douteuse parce qu'il a utilisé son dernier argument en premier. J'ai bien hâte de voir ses autres arguments. Philippe Couillard, il s'est calé. Quand et comment les élections seront déclenchées, on le sait pas, peu importe. Nous serons appelés aux urnes avant la fin d'avril. Ça, j'en fais un serment là, ce matin, je le dis. Mois d'avril, vous allez aux élections, puis je parie un 2, que c'est le 14. Un 2. Un ours polaire. Bon, au mois d'avril, il va faire chaud. Donc, ben, la marquise à fond. Donc, j'ai dit à Steph qu'il allait faire chaud mois d'avril, elle me croit pas. Mois de mars, il y a 2 ans, extrêmement chaud, tu t'en souviens. L'an passé, extrêmement froid. Yeah. Non, moi, ça me perturbe vraiment beaucoup les températures. Parce que moi, mois de juin, en Gaspésie dans la semaine des examens au secondaire, on commençait à sortir nos shorts. Ah. Saint-Jean-Baptiste, une grosse veste sur le dos. Non. Voilà. Moi, ça me perturbe encore. Hey, on dirait vraiment une pub touristique pour la Gaspésie. Là, oui, vraiment. C'est bien. Là. C'est bien. En tout cas. Pub touristique, si tu vas aller en Gaspésie, prends tes vacances au mois d'août. Et voilà. Bon. Sinon, au mois de juillet, il mouille. Ouais, je vous dis, il mouille. Les deux dernières fois en Gaspésie, il mouillait torrent. Mais il y a le mois d'août. J'étais le seul au Rocher Percé. Il n'y avait pas un touriste en crocs ou en sandales. Juste avant qu'il ferme le rocher. Belle place. Belle place. Voilà. Donc, le 14 avril, Mathieu, un X sur ton calendrier, tu vas voter. Ben oui. Non, c'est sûr que j'y vais. C'est fini. Tu vas voter. Ben oui. Bon, tant mieux. On est deux personnes tellement informées. T'sais. On vote vraiment pour les bonnes raisons, pour les bonnes personnes. T'sais. Voilà. Hein? C'est ça. Donc, merci, François Landry. On se retrouve dans ta case normale, régulière, le jeudi à 8h30 à partir de la... C'est pas 8h30, c'est 8h... Oui, c'est 8h30. 8h30. Ouais, on s'en tient à ça, 8h30. Tout à fait. C'est jeudi prochain. Parfait. Voilà. Merci. Fait plaisir. Bonne journée. Toujours l'assemblage requis. Maintenant, on va faire une petite pause musicale. Plus tard, on a la collection de campus. Ben oui. T'es prête? Presque. Puis c'est un 28 pages, hein, fait que... OK, yes. Ah ouais. Pour l'instant, on écoute Marie Les Bleus, Jimmy Hunt, tout de suite sur C'est fou. 80 FM. C'était Chicken and Clark de Lederhosen, Lucille et Krista Muir à Assemblage Rookie. On s'entend pas. Ben non, toujours bonne, mais elle est descendue un petit peu dans le palmarès, malheureusement. Mais bon, que voulez-vous? Hein? Puis je vais l'écouter en cachette. Ben, c'est ça. Si vous pensez que vous allez m'empêcher d'écouter cette toune-là. Non, non, les palmarès, c'est fou, c'est ça. C'est un ordre qu'on vous donne. On vous demande d'écouter ces pièces-là dans l'ordre qu'elles sont. Ben, moi, c'est ce que je fais avec les gens qui me donnent des ordres. Oh! Ben, tu le sais-tu? Ben, je pourrais sortir plein de choses qui ne seraient pas nécessairement fines pour toi en ce moment. Fait, hein? Hein? Quoi? Comment ça? Fine avec moi? Hein? Non, gars, je vais être fin avec toi. Je vais parler avec toi du Zone Campus tantôt. C'est ton journal, t'en es fier. Moi, pfff, gars, au retour, la chronique Zone Campus. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, donc, c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Oui, oui, comme dans The Royal We, qui est le prochain groupe qu'on s'en va entendre, avant de passer à la chronique Zone Campus qui s'en vient dans quelques instants. On va évidemment faire le tour de ce numéro spécial qui traite, entre autres, du grand dossier du moment qu'on pourrait certainement pas éviter. Donc, on en parle dans moins de quelques secondes. Mais en fait, plus que quelques secondes. Quelques minutes, maintenant. Mettons. Moins que quelques heures, ça, c'est certain. Effectivement. Il reste une demi-heure. C'était la pièce Siren Song par The Royal We sur le palmarès anglophone. Maintenant, on parle du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. C'est la chronique du Zone Campus, c'est le numéro évidemment 12 du volume 9, 25 février au 10 mars 2014. Ça vient de sortir hier et Stéphanie Paradis est la rédactrice en chef de ce journal-là. Bon matin. Bon matin, bonjour encore. Sur la couverture, évidemment, c'est inévitable, on parle de Roxane Boisvert. Ben en fait, pas tant sur la couverture. On en parle ben ouais. Mais en fait, je pense qu'on a essayé de faire vraiment le contraire de toutes les unes qui sont sorties depuis la tragédie. Donc, au lieu d'être très sensationnaliste et d'agresser les gens avec des propos, je te dirais assez dégueulasses. Ouais, vraiment. On va se dire les choses. C'était pas agréable. Donc, on essayait de faire ça sereinement, puis on n'avait rien de plus à dire en une. Voilà. Qu'est-ce qui s'y trouve? C'est exact. Évidemment, c'est un article qui est en page 3, qui nous parle de la commémoration qui a eu lieu pour elle. Donc, c'est ça. On parle un peu de toute la solidarité que l'événement a soulevé dans la petite communauté, entre autres à l'UQTR. Donc, il y a quand même beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui ont été faites pour commémorer la mémoire, malheureusement, des disparus, ouais. Si on peut dire ça ainsi. Donc, on parle de toute la belle solidarité qu'on a retrouvée parmi les étudiants, entre autres. Mmh. Ensuite, la 5e édition des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec, c'est dans un tout autre domaine. Ben oui, donc c'est la délégation de l'UQTR qui a remporté la première place aux Jeux des infirmiers et infirmières du Québec 2014. Donc ça s'est déroulé du 24 au 26 janvier 2014. Donc, elles ont gagné. Si vous voulez savoir un peu plus c'est quoi ces jeux-là, si vous voulez savoir un peu comment on organise ça, comment on se prépare pour de tels jeux, eh bien, cet article est pour vous. En effet, on poursuit avec les enjeux universitaires des régions du Québec. Là, j'ai eu à la table d'échange la FEUS. Donc oui, c'était le 15 février dernier, la délégation de l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières s'est rendue à Sherbrooke. Donc c'était suite à l'invitation de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke. Ce sont toutes les associations qui représentent plus de 55 000 étudiants en dehors des grandes régions de Montréal et de Québec qui ont discuté autour des enjeux, des réalités de chaque région. Donc, ils ont essayé de se pencher sur les problèmes de chaque association et de donner des conseils, un peu discuter comment ça fonctionne dans chaque association pour que ça aille pour le mieux dans toutes les associations de région. Ben, c'est ce qu'il faut. Alors, on a évidemment la chronique régulière de Sébastien F. Gartin, la belle-mère. Cette fois-ci, c'est l'université en deuil. Donc oui, c'est les réactions... Par rapport aux événements, bien entendu, donc cette semaine, je préparais une chronique sur les difficiles relations entre les Michel Sarrazin et le restant de l'université. L'actualité étant ce qu'elle est, les événements que je n'ai pas besoin de rappeler me forcent à revoir mes plans. Donc, un petit mot à ce sujet de la part de Sébastien. On vient sur la première initiative de l'AGA concernant l'agenda 2014-2015. Il y a eu un concours pour trouver la couverture de l'agenda. Ben oui, donc auparavant, réalisé par une firme de graphistes, la conception de la page de couverture de l'agenda 2014-2015 cette année fait l'objet d'un concours. Donc, c'est Sébastien Cossette, étudiant au baccalauréat en arts visuels, profil Nouveaux Médias, qui a reçu les principaux honneurs. Donc, si vous voulez voir de quoi un peu ça va avoir l'air, on en fait une petite apparition dans le journal et aussi les prix qui ont été gagnés. Et on termine la section actualité avec le portrait-reportage de Myriam Lortie au sujet de Danny Dessureau, le doyen du décanat des études. Mais oui, Myriam dit « Je m'attendais à entrer dans une tour, de pousser une porte et d'y retrouver un vieil homme sage assis dans un grand fauteuil face à la fenêtre, contemplant la grandeur de l'université à travers des yeux remplis de souvenirs. » Donc, c'est un peu la vision qu'elle avait d'un doyen du décanat des études, mais elle nous dresse un peu un portrait un peu plus réaliste, je dirais, de ce que c'est vraiment. Et on s'est tous demandé un jour dans sa vie, c'est quoi un doyen? On voit des films américains, des séries, il y a tout le temps un doyen qui conseille tout le monde. On se demande à quoi il sert, ce doyen-là. Ben, il faut lire cette chronique-là. Et elle me disait qu'il y avait une différence entre le système américain et le système canadien. Bon. Ben, pas nécessairement américain ou canadien, mais ça dépend si c'est une faculté ou non. Voilà, donc, comme en France, mettons les frères. C'est ça, ça change beaucoup. Exact. On passe en société maintenant et on a tous nos réguliers sont tous là. Commençons par Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles. Il semble que l'humain a un besoin fondamental de se sentir utile avant même de parler d'occuper un travail. C'est probablement pour cela que plusieurs personnes qui n'ont pas suffisamment l'occasion de se sentir utile en dehors de leur emploi au cours de leur vie peuvent vivre un malaise lorsque l'heure de la retraite approche. Donc oui, est-ce que la retraite, c'est une invention de la société ou une fin? On se pose la question. Intéressant. Tout est bizarre par Nicolas Gauthier. Il nous parle de l'histoire, donc... L'histoire est un phénomène fascinant, une multitude de souvenirs, une suite continue de vie qui se présente à nous, telles des photographies. J'adore l'histoire, j'aime savoir d'où on vient, le chemin qui nous mène, où on en est, et ça permet d'appréhender où on va. Donc, l'histoire avec un grand H. Oh! le prochain article, la prochaine chronique, fait que les gens se posent des questions. On m'a demandé, coulons, c'est normal, ça, est-ce qu'il y a un problème d'impression? C'est l'aplomb dans la tête, la chronique de Lily Bruno-Saint-Pierre. Donc, en le lisant, on comprend effectivement que c'est pas un problème qu'il y a eu, c'est vraiment comme ça. Vous vous demandez, mais quel problème? Qu'est-ce qu'il y a de louche? Bien, vous irez vous chercher un journal, ben oui, vous allez comprendre. Il y a peut-être un petit peu de blanc dans la page, mais non, j'aurais jamais laissé passer ça, moi. Ben, non. C'est assez évident. Donc, Lily dit, il est sans doute trop tôt pour comprendre quoi que ce soit, trop tôt pour se prononcer. J'en suis bien consciente. Les mots de tous et de chacun sont imbibés à saturation de colère. Les miens aussi, même si j'essaie de faire preuve de sagesse. Donc, je pense qu'on comprend assez rapidement de quoi on parle ici. Tout à fait. Ici, sans vouloir offusquer personne, je pense que Jean-François Veilleux vient d'entrer dans la décennie 2010. Facebook, la religion du web. Oui, donc Facebook vient tout juste de fêter ses 10 ans. Donc, voici quelques réflexions sur mon expérience personnelle face à ce monstre invisible. Donc, quand même assez intéressant. Il nous parle de cette proximité virtuelle qui va définir de plus en plus les relations, les droits et les devoirs du citoyen face aux élus de notre démocratie. Mm-hmm. Il est tout neuf là-dessus. Je pense qu'il était resté vierge, volontairement. De propos Facebook, oui. Exact. Changer la vie, la quatrième chronique en fait d'une série par Normand Leclerc. Donc, critique des idées de base du capitalisme. Dans mon dernier article, j'affirmais qu'une définition que je considère appropriée du philosophe est qu'il est un idéologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les idées. En ce sens, tout être humain est philosophe ou devrait l'être. Quelles sont les idées de base du capitalisme? L'argent élevé au niveau d'un dieu tout-puissant, le libre marché, la loi de l'offre et de la demande, l'initiative individuelle. Hmm. Et on termine avec une dernière chronique écrite dans la section Société, c'est celle de Jean-Samuel Gay, PRNDS. On l'a reçu évidemment à l'émission d'hier, mais quand même, il parle de Porsche. Formation de conduite hivernale en Porsche. Faut prononcer mieux le mot Porsche que ce que je viens de faire là. Oui, mais il manquait beaucoup de R, je trouve. C'était ma façon de... Porsche! Un peu comme mes blagues, c'est son Porsche. En loisir maintenant, le petit Zwicky illustré, c'est évidemment l'illustration d'Alexandre Laramie Zwicky. Si vous voulez un jeu pour retrouver les erreurs dans les images, c'est le temps d'y aller, c'est vraiment très intéressant. On n'a pas encore la solution, évidemment, plus tard dans le journal peut-être, de cette illustration-là, mais bon. On a évidemment le sudoku, les mots croisés et le mot mystère. Avant de passer en... je pense qu'on va rester là. On va rester là parce que la session société n'est pas terminée, même que loin de là. Mais non. C'est vraiment un dossier très important qu'on vous a concocté dans le Zone Campus, dans ce numéro-là. Donc, c'est tous les étudiants qui en ont ressenti le besoin. Il y a un espace de 4 pages qui a été laissé dans le Zone Campus pour les étudiants qui voulaient écrire soit directement à Roxane, en fait. Un petit document avec des photos, des messages, un peu libre à tous. Donc, j'espère que vous irez consulter ça. Ça fait du bien, autant à ceux qui ont écrit qu'à ceux qui vont le lire. En effet. Et là, c'est vrai qu'on termine Société au complet avec un texte d'opinion par Normand Leclerc, un de nos chroniqueurs. Ben oui, il répond en fait au texte d'opinion de Cossy Fabrice Sodoquet au nom de la loi qui est paru dans le volume 9, numéro 11. Donc, de façon à ne pas l'oublier, je tiens à préciser, M. Sodoquet, que nous vivons du moins officiellement dans une société de droit et que vous avez tout à fait celui d'être croyant. J'ajouterai que temporairement ou définitivement, pour votre équilibre personnel, vous avez probablement le besoin de croire. Aussi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui d'arrêter la lecture de ma réponse et de retourner à la lecture de la Bible maintenant. Donc, ça frappe assez comme réponse d'opinion. Donc, super intéressant. Donc, ça vaut la peine d'aller lire l'ensemble des chroniques et des lettres pour comprendre de quoi il en est, parce que c'est super intéressant. Ça se renvoie la balle pas mal. Donc voilà, avant de passer aux arts et spectacles et aux sports, on écoute une pièce de David Marin. Voici À l'abri du tempo. Sur C'est fou. Je porte la chemise d'une entreprise qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes, bien en ligne devant l'étiquette. Un jour trop vite pour la planète qui est plus carré que rond, la journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri. À l'abri du tempo. David Marin à l'abri du tempo, chanson hivernale qui est très, très appropriée en ce moment. Surtout avec la petite couche de sucre à pâte qu'il y avait sur nos... De sucre à pâte? C'est quoi le nom que tu mets du sucre sur les bangs? Là? Sucre à glacer. Sucre à glacer, sucre en poudre. Sucre en poudre. Voilà. Sucre à pâte, là, j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas, je mélange les termes. Là, en fait, j'ai mal prononcé. En fait, j'ai du sucre à pâque. À pâque? C'est vrai qu'à pâque, on mange du sucre. Ben, c'est ça. Ben, j'ai pas besoin de raison pour ça, mais ça en est une. Donc, on était dans la chronique Zone Campus tout à l'heure. Ben, en fait, on l'est encore et on continue avec les arts et spectacles. On est toujours en compagnie de Stéphanie Paradis, la parfaite rédactrice en chef de Zone Campus. On pourrait pas demander mieux. Essaye pas de te racheter, Mathieu Plante. Ah, donc, on commence avec la coupe d'improvisation 3R. On a parlé de ça, je dirais, approximativement 12 millions de fois à l'émission avec Alexandra Carignan. Donc, la LIM qui a été sacrée meilleure ligue d'improvisation de Trois-Rivières. Bon. Félicitations. Bravo. Ensuite, ah, ça, c'est intéressant. Encore plus près de nous, c'est les soirées cachées de C'est fou qui ont eu lieu la semaine passée. Effectivement, c'est très près de nous. Et derrière, juste là. Ouais. Peux-tu me dire qui était présent soirée cachée, Mathieu? C'était Trio Bombe. Exactement. Donc, le jeudi 20 février dernier avait lieu le premier spectacle de la session d'hiver des soirées cachées, c'est fou, à la Chasse-Galerie. Donc, le public a eu toute une surprise en apprenant que le groupe en prestation était Monogrenade. Ah, j'étais proche. Ah, t'étais pas loin. ben, c'est ça. Donc, on nous reparle un peu du concept, mais aussi du spectacle et de tous les membres de Monogrenade, parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont six, si je me rappelle bien. Donc, très intéressant. Donc, si vous avez manqué ça... Mais comment ça, vous suivez pas la page Facebook des soirées cachées? Ouais, et que vous écoutez pas les publicités des soirées cachées sur les ondes de C'est fou. Hein, en tout cas, vous êtes vraiment out si vous avez manqué ça. Gang de losers! La soirée, je m'inclus là-dedans en passant. La série Feu de forêt dans le désert au Zénob, c'était une soirée back to the 50s. De la façon que tu l'as dit, c'est comme si l'événement de forêt dans le désert était mort. Feu de forêt dans le désert. Ça s'appelle mal s'exprimer. C'est ça. Oui. Donc, les années 50 étaient à l'honneur le samedi 15 février dernier au Café Bar Le Zénob dans le cadre de la série Feu de forêt dans le désert. Donc, c'était les Babaloonies ainsi que l'homme orchestre Bloodshot Bill qui ont fait sauter les quatre murs de cet endroit mythique le temps d'une soirée. Donc, les deux avaient un style rétro, donc très intéressant, et aussi un style musical rockabilly. Donc, une belle soirée thématique, je crois, qui a enchanté la foule. Tout à fait. Les babalounis et Bloodshot Bill, c'est ce qu'on appelle un combiné de viande froide. À cause des babalounis. Ouais, du boudin, puis... C'est ça. Conférence à la Galerie d'art R3, l'intensité de la performance artistique. Oui, donc le 20 février, la Galerie R3 accueillait plusieurs conférenciers venus s'entretenir sur la performance artistique. Donc, les intéressés ont ainsi pu entendre le regroupement Les Deux Gullivers, ainsi que les artistes Karine Turcot et Bozidar Jurjevic. C'est comme ça que ça se prononce? C'est exactement comme ça. J'en ai aucune idée, mais ouais, j'imagine. C'est ça, toi non plus, hein? Ça sonnait bien. Oui, oui, ça avait l'air vrai. Donc, si vous voulez comprendre un peu plus c'est quoi la performance artistique, si vous voulez démystifier ce phénomène, la Zone Campus. Oui, oui, toujours la solution à vos problèmes. Critique de film, maintenant, Mandela, Long Walk to Freedom. Alors, Mandela, Amandela, Amandela, in the jungle. Mandela. Le mercredi 19 février dernier, le cinéma Tapis Rouge a diffusé en version originale Mandela Long Walk to Freedom, le film sur la vie de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Donc, très intéressant, une belle critique du film. Bien entendu, a été vu en version originale. Ben oui, le vrai. Je n'accepterai pas de critique de film en version sous-titrée, pas sous-titrée, mais doublée. Parce que sous-titré, ça va, on s'en sac. Les émotions restent, mais doublé, on s'entend que c'est pas mal fait n'importe comment. Mais c'est parce que comment veux-tu critiquer le jeu des acteurs alors que t'es plutôt en train de critiquer le jeu des doubleurs? Tout à fait. C'est ça qui est bizarre parce qu'on dirait que dans peu importe le film, quand l'acteur, peut-être pas tous les films, mais quand l'acteur est noir, ils vont lui donner un petit accent africain en français des fois, t'sais. Alors qu'en anglais, c'est juste un acteur américain qui se donne à être noir. Comme les enfants, qui sont des petits garçons, sont tout le temps joués par des filles et ont une voix ultra aiguë. Peu importe. Tout le temps ça. Oui. En tout cas, bref, on change ça. Le professeur Philippe Boissonnet expose à New York, c'est l'exposition Uncertain Worlds. Merci de l'avoir prononcé. Donc, le professeur du département de philosophie et des arts de l'UQTR, Philippe Boissonnet, expatrie son art à New York le temps de son exposition, dont tu as dit le nom, à la Holo Center Vault Gallery du 7 mars au 21 mai prochain. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Wow, c'est vraiment cool! » Mais comment on fait pour se rendre jusqu'à exposer à New York quand on est trifluvien? Moi? Donc, c'est très super intéressant de savoir ça. Cool! Je te le dis pas, va lire l'article. Mispère! Tu sais? Voilà. Ça, c'est comme... t'as un couple, c'est deux femmes. OK. Fait que tu t'as Miss Maman puis t'as Miss Père. Je pense que t'avais Miss Père et Miss Impère. Ou? Ah, oh, mais non! Miss Père, c'est la blonde de Miss Mère. C'est, oui! Non, mais... C'est ça. Et la mère de Casper, le petit fantôme. Et c'est ça. Okay. Et voilà. Exposition au CCPJ, le Spudge, c'est la solitude moderne vue par Yannick Nolin. Oui, donc vous avez encore jusqu'au 23 mars prochain pour aller au Centre culturel Pauline Julien pour aller voir l'exposition Thébaïde de solitude numérique de Yannick Nolin, pardon. Avec son appareil photo, l'artiste a saisi un mal mondial, celui de la dépendance au téléphone intelligent. Donc, il nous dit comment il est parti de ça. En fait, il voyageait, il prenait des photos et s'est rendu compte qu'il y avait toujours... sur ses photos, quelqu'un avec un téléphone intelligent. Oui. Donc, il a décidé d'en faire un sujet qu'il est allé traiter un peu partout à travers le monde. Donc, super intéressant comme exposition. Et on va parler directement à Jean-François Veilleux de la section Société. C'est là que tu t'en vas. Tu vas finir de même à checker ton téléphone pour ton Facebook tout le temps. Exactement. Et pour terminer les arts et spectacles, t'es allé voir le spectacle Les mésaventures d'un père espiègle d'Étienne Langevin. Oui, donc, humour de banlieue et mère moderne, entre gros guillemets. Donc, le 15 février dernier, le Théâtre du Cégep de Trois-Rivières a accueilli le tout premier one-man show d'Étienne Langevin, « Les mésaventures d'un père espiègle ». C'est un spectacle mis en scène par François Chénier, qu'on connaît tous de Radio Enfer. C'est Carlou. Ben, apparemment, ça n'a pas vraiment aidé à ce spectacle-là d'avoir Carlou dans la gang. Hein. Je sais pas, là, j'ai lu quelques petites bribes. Déjà, en lisant l'exergue, par exemple, que le tout est traité avec une certaine prévisibilité, tombant même à l'occasion dans le cliché ou la banalité. Je sais pas pourquoi je me suis dit que t'aimais pas ça. Avec une phrase de même. Ben, c'est toujours un peu nuancé, ouais. Mais disons que loin d'être mon préféré. Ouais. Et j'ai quand même un bon bagage. D'humoriste, une fan de stand-up, donc. Oui, que oui. Ouais. Donc, c'est bien malheureux, mais peut-être qu'un jour, il va faire quelque chose qui va te plaire. Maintenant, mais tu sais, je me dis, quand même, entre ça puis rester assis sur mon divan, je serais quand même allé, même si j'avais su ce qui s'en venait. C'est ça. Puis tu sais, ça t'a donné l'occasion de faire avec moi les jeux de mots de Étienne Langevin et s'en alla, ouais, certainement. Langevin et s'en alla. Langevin. Ah, oh, 20, OK. Mon Dieu, mais c'est parce que t'es rendu loin là, dans la conjugaison de passé 5. Ça s'appelle une blague recherchée, man. Ben, parce que moi... Ça s'accorde-tu même, ce verbe-là, non? Parce que moi, j'aurais dit le démon bière. Le démon bière. Ah, Langevin et démon bière. J'aime ça, tu vois, tu penses comme moi. Donc, les sports, maintenant, on commence à hockey. Évidemment, c'est le gros sport de cette section-là. Crime, ça mérite même l'entête. T'sais. Le gros sport. Le gros sport de l'UQTR, pour les Patriotes, en tout cas, c'est le hockey. Une fin de saison glorieuse. Ben oui, donc on parle de la fin de la saison régulière où les Patriotes ont solidement dominé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les commentaires de l'entraîneur sur la saison. Mais on poursuit aussi avec le début des séries avec les Patriotes, hein, qui ont la formation de hockey des Patriotes qui a remporté les quarts de finale face aux Ridgebacks de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario d'Oshawa. Mmh. Donc, déjà, c'était gagné en deux matchs faciles. Ça, c'est tu l'as dit que c'était les quarts de finale, donc ça veut dire qu'on va suivre dans le prochain numéro les demi-finales. Voilà. Ensuite, on a parlé avec Cindy Gilbert tantôt pour sa collègue Activer votre santé. Elle est aussi présente en page 24 du Zone Campus. Quoi manger avant, pendant et après un entraînement? Pas de cupcake, genre jamais? Jamais. Jamais. Jamais. Mais en fait, t'as le droit de manger des cupcakes si tu t'entraînes pas. Ah, cool! Bon, parce parfait. Que ouais, c'est quand tu t'entraînes. Problème réglé? Non, c'est pas okay. Ça, mais en tout cas. On lui en parlera, voir ça a du sens, tout ça. Volleyball ensuite, la première position confirmée pour les Patriotes. Mais oui, le tournoi qui a été reporté, soit dit en passant, d'une semaine en raison du mauvais temps. Donc, le dernier tournoi du circuit universitaire de volleyball féminin Division 2 s'est tenu à l'Université du Québec à Chicoutimi, donc les 21-22 février dernier. Les Patriotes ont confirmé leur domination dans cette ligue grâce à 3 victoires et aucune défaite. Donc, le match face à la formation de l'UQAM a néanmoins encore été une fois une chaude lutte. Ouais. Mais disons que le tout va très bien pour les dames du volleyball. Donc, superbe. Et en passant, il y a comme un petit jeu qu'on a inséré dans le Zone Campus. Vous devez deviner si la fille, sa photo, est en train d'attraper le ballon ou de l'envoyer. C'est ça qui est le fun. Moi, je sais pas, j'essaie de comprendre. Ah. Est-ce en train de frapper ou de le recevoir? Moi, je te dirais que la façon qu'elle la regarde, je crois qu'elle va le recevoir. Je pense aussi. Mais tu vois, c'est un jeu que toute la famille peut jouer. Mais c'est plate, il n'y a pas de réponse. Non, c'est ça, c'est un jeu sans réponse. À moins d'appeler la fille. Yo, Mandou. Mais penses-tu qu'elle s'en souvient? Je sais pas. Dans cette photo-là, précisément, dur à dire. Deux profils d'athlètes, évidemment, sont là. Vous pouvez les lire sur Maxime Cédillo et Audrey Pruneau. Alors qu'on saute au soccer, les hommes de Clermont contre l'Académie de l'Impact. Ben oui, l'équipe masculine de soccer des Patriotes a reçu l'Académie de l'Impact de Montréal encore cette année, donc au complexe sportif Alphonse Desjardins. C'était le 16 février. Donc, est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce qu'ils ont perdu? On se le demande. Ils ont-tu gagné, tu penses? Moi, je sais pas. Regarde. Mais non, défaite 2-0. Puis là, est-ce que tu penses qu'ils sont en train d'atterrir sur le ballon avec leur pied? OK, là, le jeu pourrait continuer vraiment longtemps, tu vois, dans le soccer. Non, il est moins le fun, celui-là. Moins le fun parce qu'on voit pas le ballon, c'est le problème. C'est ça. Et on termine en natation avec Caroline Lapierre-Lemire, qui est au sommet de sa forme. Une habituée du Zone Campus, Caroline Kalale, que je l'appelle? Kalale. Donc, c'était... Mais en fait, Caroline Lapierre-Lemire, c'était le championnat du sport interuniversitaire canadien de natation. Donc, du 20 au 22 février, voyons. Donc, il y a quand même 5 athlètes des Patriotes qui étaient présents pour représenter l'UQTR. Donc, on avait Caroline Lapierre-Lemire et aussi les 4 garçons qui ont fait la une de l'ancien numéro du Zone Campus. Benoît Boutet-Marino, Anthony Gélina, Cédric Campanelli et Alex Gélina. Donc, aucune médaille malheureusement pour les garçons, mais Caroline Lapierre-Lemire revient dans la compétition avec une médaille d'argent et une médaille de bronze au cou. Oui, donc ce sont les Varsity Blues de l'Université de Toronto, l'équipe hôtesse qui a remporté les grands honneurs de la compétition. Ouais, pauvre monsieur Martineau, hein? Marino. Boutet Marino. Pauvre gars. On dit mal son nom, puis l'autre fois, il était pas sa une. Les 3 autres gars étaient sa une, mais pas lui. C'est triste. On a pensé de mettre derrière le logo, tu sais. Mais on trouvait ça inapproprié un petit peu, ça. Genre, ouais. Salut! Je suis là, du précédent numéro. Salut! Bon, on apprécie quand même beaucoup sa nage. Exactement. Donc voilà pour le Zone Campus, volume 9, numéro 12, en kiosque du 25 février au 10 mars 2014, partout sur le campus de l'UQTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Procurez-vous-le parce que Zone Campus, ça vous concerne. Et ça frappe. Ça frappe. On se retrouve aussi sur Facebook avec les articles et sur zonecampus.ca où on peut partager, aimer, commenter et tout ça. Et voilà. Comme ils disent au grand réseau, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On n'a pas de Pinterest puis d'Instagram. C'est sûr qu'on fasse avec un Instagram. Prendre des selfies de nous-mêmes devant le studio? Non, on fait pas ça. Non, mais Pinterest. Ouais. Ben, on n'aurait pas plus grand-chose à faire avec ça. Là. Si Pinterest était un site de pin, mais ah ouais, là je pourrais ouais, en mettre, mais ouais. Non, il n'y a pas ça. Tu pourrais mettre des photos de ta pin. Qu'est-ce que tu entends par la pin? Mes macarons, tu parles évidemment de mes macarons, mais oui, nombreux c'est ça, macarons. T'as toujours des beaux macarons avec des drapeaux, des groupes de musique. Puis des macarons avec de la crème dedans. C'est, oui, des petits gâteaux, c'est ça, avec une petite. J'ai colle avec de la gomme bleue. Pour pouvoir avoir toute une collation sur moi. Non, mais c'est parce que le gars, tu sais, il se met des macarons, mais vu qu'il a peur des aiguilles, il n'ose pas l'ouvrir et le mettre après son chandail, qui colle ses macarons avec de la gomme bleue sur son c'est chandail. Ça. On m'appelle Mataron. Mataron. Je sais pas, là. Ça s'en allait nulle part, ça. Zone Campus, on fait ça aux deux semaines, les mercredis à 9h. Voilà. En alternance avec la chronique Le Poste d'écoute. Ben oui, c'est très nouveau, par exemple, comme alternance. C'est ça, mais c'est commencé, donc c'est une alternance. On y va avec une chanson avant de se terminer l'émission. Statue Park. Ouais, on va se terminer ça. Bon, on start et on se termine, tu vois, faut que ça commence par les mêmes lettres. Donc Statue Park, 1983, c'est ma pièce fétiche chiptune du palmarès. On écoute ça à son âge. Yeah. Statue Parky 1983, c'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis. Hey, fais-moi une chanson de chiptune pour Mathieu Planchot. Avec ma bouche? Blip, blip, blip, blip, boum, boum. Hey, je vais te limiter de la batterie, moi. Avec ta bouche? C'était mieux quand tu faisais pas de bruit, c'était plus réaliste. C'était pas mal plus vrai. Donc, c'est tout pour Assemblage Requis. On remercie évidemment Alexandrine Pichessir pour la chronique La Crème de la Crème, Cindy Gilbert pour activer votre santé, François André pour Logocratie 101, toi Stéphanie Paradis pour le son campus et pour ta co-animation aujourd'hui. Et toi Mathieu Plante pour tes doigts de fée sur la console. Merci, un vrai magicien. Demain, à l'émission, édition spéciale, on sera pas présent en studio, mais on a une émission à vous offrir quand même. Une émission spéciale de 3 heures. D'habitude, ça dure 2 heures et la première heure est une rediffusion précédente. Donc là, un nouveau 3 heures au complet entre 6h30 et 9h30. On va présenter une édition spéciale Déjeuner au lit avec Assemblage Requis, des chroniques La Crème de la Crème d'Alexandrine Pichessir et La Bouffe de la Semaine de toi, Stéphanie Paradis. Ben, regardons ça. Ça va être bon pendant 3 heures. On va avoir le ventre plein à la fin. Mais hein? Ça va être très, très bon demain, 6h30. Sinon, on va se retrouver en direct, évidemment, lundi. C'est de 6h30 à 9h30 en direct à partir de 7h30 dans ce cas-là. Voilà. Restez sur nos ondes parce qu'à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, hors zone avec de la musique alternative. 14h, Julien Liberté. 16h, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. 17h, le voyage à 7. 18h, rapologie. Voilà pour ça. Cif.ca, assemblagerequis.com. Bonne journée, Steph. Bravo, bonne journée. Beaucoup d'informations.